C'est fou! 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Catherine Langlois fera tourner notre globe terrestre comme la chef dans Carmen San Diego. Et on chantera comme des rockapellas si on aime ce qu'on goûte dans une grosse pointe d'adresse. Mais où se cache Assemblage Rookie tout de suite. Assemblage Rookie pour toi aujourd'hui. Assemblage Rookie pour toi aujourd'hui. En ce jeudi 14 décembre 2017, on est à 134 jours de la fin de l'année scolaire, mais même pas genre une semaine de la fin de notre session. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Antonia Baudin, on est en direct des studios de Tifou à Trois-Rivières. Il fait frisquet! Hey, moins quoi, 82, c'est ça? D'après moi, oui, si on se fie au thermomètre, ça doit ressembler à ça. À l'extérieur, présentement, selon le thermomètre, c'est moins 20. Avec le facteur vent, ça va jusqu'à moins 28, mesdames, messieurs. Donc, mettez une petite laine ce matin pour vous rendre n'importe où. C'est agressif. C'est pinçant sur les petits joues. C'est ça. Ah, ouais. Aujourd'hui, à l'émission, les heures sont particulièrement approximatives, comme je l'ai écrit sur notre plan d'aujourd'hui. On a beaucoup de mouvements, mais une seule chroniqueuse, on remplit seulement le 8h30 avec elle, Catherine Langlois. Elle va être avec nous. Oui, comme chroniqueuse. Oui. Elle fait des signes, mais comme chroniqueuse, on a seulement 8h30 de rempli. C'est bien. On a un invité spécial, par contre. Exactement. Ce n'est pas la même chose, techniquement. Non, t'as bien raison. Hein? Denis Baudin va venir nous rendre visite à 8h. Oui, ben oui, il va nous faire un aperçu, en fait, du spécial des fêtes qu'ils vont faire ce soir dans leur dernière émission de Très Blues Assez Fou. Donc, vous devez absolument rester avec nous jusqu'à temps qu'on vous présente ça. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Exact. Comment c'est sûr, c'est sûr. Pas le choix. Ou que vos joues tombent par terre. Ouais, c'est ça. Vous avez... Il y a le choix, là. Vous choisissez ce que vous voulez. Celui qui arrive en premier, c'est ça? Exact. Jusqu'à concurrence de... Bref, ça, c'est tout ce qu'on a de bouclé vraiment comme notre émission d'aujourd'hui. Mm-hmm. T'as aussi deux chroniques qui s'en viennent plus tard aujourd'hui. Tania's Got Entertainment, ouais, qui vont aller entre le reste. Qu'est-ce que tu nous prépares? Ben, jeudi, on se doit de parler un petit peu de nourriture, vu une grosse pointe en dresse en fin d'émission. Alors, on va discuter de nourriture, mais aussi, messieurs, on le sait, vous, quand vous êtes malade, ça va vraiment pas bien. Les grippes d'hommes, ouais, c'est vraiment difficile. On va essayer de démystifier un petit peu tout ce qui est grippe d'homme. Oh, wow! Ouais. Génial, ça. Ça s'en vient plus tard dans l'émission. Moi, autour de ça, je vais aussi vous faire un petit bloc d'une grosse pointe en dresse autour de la nourriture aussi. Plus tard dans l'émission, les nouvelles du fast-food. On va débuter l'émission avec son foutu palmarès et aussi de la nourriture. C'est vraiment le jeudi d'où je crois qu'on est inspiré un petit peu. Oui, je pense que oui. Le jeudi matin, on n'a pas le choix. C'est surtout ça, la différence. Oui. Dans quelques instants, on va entendre la musique de Tendre avec Blablabla. Bla, bla. Mais avant ça, parce que mon intro m'a inspiré aujourd'hui. Oh. Elle fait le tour de la terre. Québec au Nicaragua, c'est la reine des cambrioleurs de Paris jusqu'à Sydney. Elle montra un bateau, lui verra le Colorado, dites-moi. Mais où se cache Carmen San Diego? Dépouiller le Costa Rica, aller dérober Kinshasa, de Moscou à San Diego, rien ne semble l'arrêter. Tomber d'où lui appartient, l'Alaska est entre ses mains, dites-moi. Mais où se cache Carmen San Diego? Elle va de Shanghai à Cuba, de Lima à Prague, de Montenegro, Rio de Janeiro, Brésil. Yeah! Lisez Mona Lisa, faire un coup au Guatemala, puis à l'autre bout du monde, pour kidnapper un koala. Ayez vos coffres forts, car elle arrive au Canada, dites-moi. Mais où se cache Carmen San Diego? Dites-moi, mais où se cache-t-elle? Oh, dans un Himalawi, Bolivie, Yémen, elle va du Mali à Bali, à Kiev, Ukraine, yeah! Frontière pour arrêter, faut que les hommes pour lui résister. Cette voyeuse de gros calibre, et ses coupables dessins. Comme la manfilature, nous partons à l'aventure. Mais où se cache Carmen San Diego? Mais où est l'hôtel où se cache Carmen Sandiego. Toutes les données géographiques étaient justes au moment de l'enregistrement de cette émission. Ici la chef de l'agence Interglobe qui se demande ceci. Si on peut faire... Et blablabla. Blablabla. Blablabla. Une chance que ça m'a pas inspiré, ça, le générique d'ouverture de la chanson scène Blablabla. C'était quoi le talk show Blablabla avec. C'était qui ça? Ah, oh, je me souviens pas. Blablabla. Voyons, c'était à TVA, genre. C'était quoi? C'était-tu. C'était Quétaine au bout, là? C'est l'émission du matin. Ben oui. Ouais, attends un peu, c'est. C'est ça. Ah, je te jure. Est-ce que vous entendez la vie aussi? Grâce à Cuirassil. Tous les matins à Blablabla, de 9h à 10h, Daniel Ouimet vous les révèle tels qu'ils sont. Et... C'est Daniel Ouimet qui animait ça? Ben oui. Aïe aïe. Ok, bon, bref. Ah, une chance que j'ai pas cherché ça. Il fait jouer ça en nom. Une chance. C'est son foutu palmarès. Je ne réponds plus à ses attentes. place, la chronique dans laquelle vous aviez une liste sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, c'est hashtag! Ouh! Des trous dans les affaires. Non, mais oui, mais non. On parle de déjeuner. Tu sais, un bagel, un trou, puis des gaufres, ça a des trous. Oui, oui, c'est vrai. Ça. Fait qu'entre autres, c'est une chronique sur les trous. Mm-hmm. On commence par les bagels aujourd'hui. Tout ce qu'on a à savoir sur ce déjeuner polonais. OK. Déjeuner polonais. En fait, on dit que New York et Montréal, pour commencer, ont une rivalité des plus délicieuses. Lorsque les Nord-Américains pensent aux bagels, souvent, on pense à New York. Les bagels de New York avec de tout petits trous, non? Les bagels new-yorkais, tout petits trous. Je pense plus au pretzel quand je pense à New York et au cheesecake, mais... Ouais. Ils sont bouillis brièvement avant d'être cuits au four, ceux de New York. Pardon, ce qui aide à les sortir du four, tout mâchouillant en-dessus de leur extérieur croustillant. Tu fais des yarks, puis c'est... Ben, mâchouillant, hein? Non, mais tu sais, genre c'est moelleux. C'est un terme plutôt bizarre. Moelleux. OK, moelleux, ça va, ça va. Mais c'est ça, New York, on sait, bon, c'est pas le seul endroit, parce qu'on connaît, nous, Montréal, hein, où les bagels sont particulièrement délicieux. Sauf qu'on fait un petit voyage à Montréal, faut se ramener un sac de bagels. En tout cas, c'est la tradition chez moi. Donc, la compétition de bagels, hein, est quand même là. On a plus d'œufs et on échange le sel pour du miel dans l'eau bouillante, nous dit-on. Ouh. Et souvent dans la pâte elle-même, ce qui mène à des bagels qui sont plus sucrés qu'épicés. Voilà. Mm-hmm. Les bagels de Montréal sont passés au four, dans des fours avec du feu, donc des fours à bois. Hein? C'est ça, four à bois qu'on dit? Oui. Ouais, qui donne donc au produit fini son croustillant et son aspect plus brûlé. Hein? C'est génial, les bagels montréalais, autant que les New-Yorkais. C'est le cadeau parfait pour les femmes qui accouchent. Ah ouais? Nous dit-on. La première mention des bagels vient de 1610 de Krakow en Pologne. C'est les Community Regulations qui indiquaient que les femmes qui venaient de donner naissance, donc d'accoucher, devaient recevoir un bagel comme cadeau. Mmh. Je prendrais ça, moi, n'importe quel. Ben ouais, tellement, moi aussi. Si ce n'est pas rond, ce n'est pas un bagel. T'as peut-être vu des bagels carrés là, dans des sacs à un moment donné, non? C'est vrai, c'est vrai. Non, parce que dans ma tête aussi, si c'est pas rond, c'est pas un bagel. Ben, c'est ça, si ça n'a pas de trou. Hein? Le mot bagel vient du mot allemand bugel. OK. Bugel, B-U-G-E-L, bref, qui veut dire bracelet. Ah! Passant par le yiddish bagel, B-E-Y-G-L. Donc, même si les pâtissiers peuvent travailler avec leur imagination et changer les saveurs et les formes, ben, en fait, on peut changer les saveurs, mais les formes, elles, ne sont pas négociables. Non, rond avec un trou, ça fait partie de l'identité du bagel. Mais s'il est rond, là, on peut faire n'importe quoi. Oui. Parce qu'il n'y a pas de standard dans l'identité d'un bagel. Ça doit pas, on sait, y a pas de règles sur ce que ça doit contenir pour être un bagel. Donc, les gens qui font des bagels peuvent respecter la tradition tout en faisant à peu près n'importe quelle saveur ou grandeur de bagel. Mm-hmm. Hein? Défoulez-vous un peu là-dessus. Il n'y a aucune circonstance où les bagels devraient être mélangés avec des blalis. De toute façon, on connaît pas les blalis. C'est ça, hein? Ce sont tous les deux des pains circulaires d'origine polonaise. OK. Mm-hmm. Mais le bialis, B-I-A-L-Y-S, pardon, elle n'a pas l'étape importante de bouillir le bagel pour produire un vrai bagel. Et à la place du trou, un biali a un petit creux, en fait, rempli d'un mélange d'oignons, d'ail, hein, et de grains de pavot. Grains de pavot. Okay. Voilà. C'est délicieux, sûrement. Mais c'est pas un bagel. Mais c'est pas un bagel, mais j'en veux un. Je veux essayer ça. Un bialis. On ne peut pas confondre avec Mayim Bialik, qui est l'actrice qui joue dans Big Bang Theory. Ben oui, ben oui. Ensuite, la préparation rapide des bagels. Hein? Donc, les bagels qui sont très proches de la communauté juive depuis que les immigrants polonais et russes ont amené ce bagel de l'Europe de l'Est dans le Nouveau Monde. La méthode rapide de préparation du bagel faisait que c'était un favori des maisonnées juives les samedis soirs après le sabbat. Après avoir, terminé la période où t'as pas le droit de cuisiner, le sabbat, c'est ça. Donc, temps de préparation minime. Et c'est beaucoup plus facile à faire, beaucoup plus facile à manger, beaucoup plus rapide pour tout le monde. Donc, des bagels frais après le sabbat, c'était la chose à faire. La recette a déjà... Pardon, aujourd'hui, ça va mal, hein? Mm-hmm. Ça recommence. La recette était un secret, au départ, pour protéger les travailleurs immigrants qui essayaient donc d'en produire autant que la demande le demandait à New York. L'International Bagel Bakers Union, donc un syndicat, est arrivé au début des années 1900. Bagel Bakers Local 338 était un chapitre particulier de cette union, de ce syndicat. Il y avait 300 personnes dans ce syndicat-là qui étaient ensemble pour garder leur tradition pour eux. seulement les fils des membres du clan, du groupe local, avaient des places dans le syndicat. Et le groupe faisait ses réunions en yiddish, la langue commune à eux. Le monopole de ce syndicat sur les bagels s'est terminé seulement dans les années 1960 avec l'invention d'une machine à bagels automatisée. Les bagels à l'ancienne étaient faits par 4 personnes. Seulement 4? Non, mais dans le sens qu'ils devaient travailler à 4 pour chaîne, le faire. OK. C'est ça, ouais, c'est, j'avoue, la confusion était là. Bref, étant donné le processus de cuisson multi-étapes du bagel, les pâtisseries, les boulangeries, qu'on pourrait dire, je pense que c'est boulangerie qu'on dit dans ce cas-là. Bref, employaient des hommes pour produire ça façon usine, comme tu l'as dit. 2 hommes roulaient et mettaient en forme la pâte. Ensuite, un kettleman faisait bouillir les bagels, et puis un ovenman, lui, s'occupait du four, donc bien sûr, le passait au four jusqu'à ce que ce soit parfait en bouche. Les bagels se sont déjà rendus dans l'espace. En juin 2008, un astronaute canadien, Gregory Chamitoff, est parti en voyage jusqu'à la Station spatiale internationale avec 18 bagels au sésame dans son cargo. C'est malade. J'avoue que je ferais ça moi aussi si j'étais astronaute. Tellement, mais c'est pas beaucoup 18. Non, je sais. Les bagels donc venaient de la boulangerie de son cousin à Montréal. C'est parfait ça. Donc ça veut dire qu'il a amené des bagels de Montréal dans l'espace, mais il n'a pas ramené de bagels de l'espace à Montréal. Non, malheureusement. Malheureusement. Alors, ensuite, les Américains ont commencé à apprécier la version congelée. Oh, non, non, la méthode facile. J'aime pas ça. La méthode facile, ça me va. Ouais, mais des bagels congelés, j'ai jamais vraiment trippé. C'est pas si pire, mais j'avoue que c'est pas aussi bon. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça remplit un trou. Oui, c'est sûr. Bref. Donc, si des fois, t'as pas l'occasion d'avoir des bagels achetés en magasin, des fois, un sac de bagels que t'as acheté il y a quelques mois ou quelques semaines au supermarché, ça peut aller. Ça peut être la seule option. C'est pratique. Et pour cet aspect pratique, on peut remercier Harry et Murray Lander et Florence Sender, qui ensemble sont devenus pionniers de la production massive et la production pour congélateur de ces de ce... Caroline, t'as peur. Je m'en ai éternué. Non. Hey! Hmm? Bon, c'est sorti, j'allais éternuer. Ah, OK. Donc, c'était dans les années 60 qu'ils ont innové là-dessus. Leur décision était géniale. On a pré-tranché les bagels pour être plus facile de les mettre dans le grille-pain. Une chance. Ça, c'est quelque chose qui est difficile avec des bagels qui sont pas coupés à l'avance. Les mettre au grille-pain. Il y en a qui sont semi-coupés. Ouais, hey, s'il vous plaît, vous faites quoi? Tant qu'elle est coupée, je vous dirais comment. Ouais. Hein? Coupez pas à moitié, là. T'sais? C'est décourageant d'arriver à penser qu'il est vraiment tout coupé puis le déchirer. Ouais, puis tu le déchires, puis là, t'abandonnes, puis là, faut que tu mettes dans un petit faux grippin. Exactement, non, non, ça non, brûle, non. Puis là. Oh. Aucun plaisir. Bref, on a amené donc cette nourriture-là qui était, avant ça, elle était ethnique ou un petit peu, comment dire, exotique, et on a amené ça à une base américaine un petit peu plus large, voilà. Et pour terminer sur les bagels... t'auras peut-être pas besoin de commander un café pour aller avec ton bagel. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, parce que café et bagel, on sait, c'est un combo classique. Ben oui, clairement. Mais il y a un inventeur qui aimerait te donner un petit peu plus de caféine dedans ton bagel. Mmh. En 2007, un scientifique moléculaire de Durham en Caroline du Nord et le propriétaire d'une boutique de café Robert Bohannon ont amené le Buzzed Bagel, une création qui a autant de caféine à l'intérieur du bagel qu'une tasse de café. De 5 oh my god! Hein, ça a pas l'air délicieux, ça? Je vais y goûter. Je veux absolument y goûter. Le Buzzed Bagel. Faut qu'on voit ça quelque part. Oui, vraiment, vraiment. Pas le choix. Ensuite, j'ai dit tantôt qu'on parlait de trous aujourd'hui parce qu'un bagel a un trou, mais des gaufres aussi. Mais pas vraiment des trous, en fait, c'est plus des monts et vallées. Des creux. Ouais. Moi, j'aime bien monts et vallées, mais creux. Monts et vallées, ouais, ouais. Ça fait. Pas pire. Donc, c'est réconfortant, les gaufres. Moi, j'aime beaucoup ça. Un petit matin de fin de semaine, un bon café, des gaufres, je trouve ça parfait. Est-ce que tu les fais ou tu prends la bonne vieille marque? Es-tu malade? Ouais, c'est ça, je pensais. Non, mais j'achète des plus fancy que des Ego. OK. Lego. Ouais. Ego, puis ils sont minces quand même. Ils sont minces, mais les thick and fluffy sont particulièrement bonnes. Okay. Achille à la cannelle. Okay. Thick and fluffy à la cannelle, Ego, là, pour vrai, je les recommande. Mm. Oui. Mais bon, donc c'est réconfortant, les gaufres Ego, hein, on aime ça passer ça dans le grille-pain ou au petit faux grille-pain, mais là, ça finit tout le temps par brûler. Donc, quelques petits faits intéressants. Leurs inventeurs, à l'origine, étaient dans la mayonnaise. Ah, OK. Ouais, les humbles débuts de Ego, ça a commencé en 1932. Frank Dorsett de San Jose, en Californie, et ses frères Anthony et Sam se sont assemblés pour faire un projet culinaire dans le sous-sol de leurs parents. Quand ils ont terminé, les frères Dorsett avaient créé une nouvelle marque de mayonnaise. Pendant la Grande Dépression, la mayonnaise Ego disait utiliser 100% frais du ranch, fresh ranch eggs, et de l'huile végétale triplement raffinée, ce qui a aidé à bien vendre cette mayonnaise-là partout dans la maison, près de la maison des Dorsa à San José. En 1939, le San José Evening News disait dans ses grands titres sur son journal que la mayonnaise locale était très populaire. C'est un grand titre sur le journal. Wow! Ensuite, les gaufres sont venus plus tard, évidemment. Ben oui, évidemment, évidemment, on espère, en tout cas. À un moment donné, les frères Dorsa ont conquis la mayonnaise locale et ils ont continué. Comme la note de décès de Frank Dorsa a dit plus tard, à son avis de décès, les frères ont transformé un don de 50$ en l'argent dont ils avaient besoin pour entrer dans la business des gaufres. Ça n'a pas trop pris de temps avant qu'ils commencent à vendre et de la mayonnaise et des gaufres fraîchement fabriqués aux gens de la Californie, dans le nord de la Californie. Éventuellement, ils ont eu un petit problème. Envoyer de la pâte fraîche et de la mayonnaise, ça empêchait la distance qu'ils pouvaient faire parce que la mayonnaise. Ah, ben oui. Et la pâte pour les gaufres, les deux, mettons que ça tourne à un moment donné. Ils ont créé donc un mélange en poudre que les gens pouvaient ensuite reconstituer avec un petit peu de lait. Très bonne idée. C'est comme ça que ça a continué. La ligne de Ego a grossi à partir de là. Hein. La mayonnaise et les gaufres de base étaient bien populaires. Donc, les Doras ont augmenté, ont élargi leurs idées. En 1938, ils ont acheté Garden City Potato Chip Factory. Ouais. Et il y avait des croustilles Ego sur le marché. Ouais. La ligne Ego de croustilles allait avoir donc une variété, ensuite pas de croustilles, mais de produits. Elle allait avoir plein d'autres produits qui n'étaient pas des gaufres, dont des nouilles, de la vinaigrette. Ben voyons non. Et des bretzels. Je savais pas ça. Toujours. On a une collection d'anciens emballages de Ego sur l'article sur assemblagerequis.com. Ensuite, justement, commencer à faire des croustilles a aidé à faire les Ego comme on les connaît aujourd'hui. Donc, avoir acheté l'usine de croustilles Ego, ça fait plus que juste aider Ego à entrer dans le domaine des croustilles. Ça a donné à Frank Dorsa la chance de vraiment trouver quelque chose de plus en tant qu'inventeur. Donc, il avait, c'était un machiniste. Quelqu'un qui travaille sur les machines dans le domaine de l'alimentation. Dorsa a utilisé ses connaissances pour inventer le Continuous Potato Peeler, donc un pelle-patate en continu, ce qui empêchait les employés d'avoir à peler chaque patate à la main. Hein? Wow! Donc l'automatisation est devenue pratique plus tard lorsque lorsque les frères Dorsa, oui, ont eu un autre problème. C'est que la nourriture congelée, en fait, c'est devenu un problème pour les consommateurs. Au début des années 50, les Américains, après la guerre, ne voulaient plus de pâtes à gaufres fraîches ou même le mélange en poudre des Dorsa. La nourriture congelée, c'était super populaire à l'époque. Oui, ben oui. Donc, la marque Ego devait rester à la fine pointe de ce que les gens voulaient. Donc, ils ont dû créer des gaufres congelés. Il n'y avait plus le choix. Et à ce point-là, les Dorsa ont eu un problème que tout le monde peut comprendre après avoir fait ses propres gaufres maison. C'est que faire chaque gaufre, c'est pas mal de travail. Ça demande de verser le mélange et surveiller le processus de cuisson. Hein? Donc, au premier regard, première vue, on pourrait pas penser que ce serait facile de faire ça en masse pour pouvoir les congeler. Non, c'est vrai. Mais il a trouvé une solution brillante. Ah ouais? Ouais, donc les Dorsa qui sont sortis du sous-sol de leurs parents pendant la Grande Dépression n'étaient pas intimidés par ces problèmes logistiques de gaufres. Frank a vraiment travaillé fort sur le problème et en 1953, il l'a résolu en pensant un petit peu. Donc, avec l'aide d'un moteur de manège qui tourne, tu sais, merry-go-round, comment t'appelles ça, un carousel, pas mal ça. Dorsa a construit un gros équipement avec un paquet de petits fours à gaufres. Ouais. Et les gaufres cuisaient alors que le carousel tournait et les employés étaient placés stratégiquement pour faire tourner chaque gaufre exactement au bon moment. La machine leur permettait de faire plusieurs milliers de gaufres à l'heure. Une révolution à ce moment-là. À l'origine, ils avaient un nom différent. La machine a permis donc à Ego de sortir des milliers de gaufres à l'heure et les Américains aimaient vraiment ça, hein, ou en tout cas commençaient à aimer ça. La création de Dorsa est arrivée au congélateur en 1953, mais ça ne s'appelait pas des gaufres Ego ou Ego Waffles. À l'époque, ça s'appelait des Fruffles. OK. Une combinaison de Frozen et de waffles. Donc, gaufres congelés. Donc, on appellerait ça en français des gaufrelés. Ouais. Genre. Moins cute, maintenant. Moins cute. Après avoir passé 2 ans à gagner donc les grille-pains des gens et être devenu donc un article alimentaire préféré sur la côte ouest, le nom a changé pour Ego Waffles en 1955. C'est devenu très populaire partout au pays dans les années 70 seulement. Donc, c'était sur la côte ouest au début, très populaire. Ils ont eu une chance lorsque Kellogg les a achetés, la marque au complet, dans les années 70. Amener Ego au niveau national était très intelligent de la part de Kellogg, qui contrôle maintenant plus de 60% de la business business des gaufres congelés, entreprise qui vaut 1,2 milliard de dollars, les gaufres en général. On parle aussi des crêpes et de la catégorie, oui, des pains dorés, donc le French toast. Tout ça, gaufres et crêpes et pains dorés, c'est 1,2 milliard de dollars. Aux États-Unis seulement. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Pardonnez-moi. Je sais pas ce qui m'arrive. C'est le froid du studio, je vais te le dire. Le sec. Et le sec aussi. Et la poussière extrême. Exactement. Et le manque d'air. Ça ressemble à ça. Ouais, c'est ça. Kellogg a aussi donné à sa marque son slogan classique. Ça vient pas de Eggo en tant que tel, ça vient de Kellogg une fois qu'ils ont acheté Eggo. Ah ouais? Ouais. Donc sortir Eggo au niveau national, ça demandait un bon slogan. Et Kellogg, Colin, a une agence publicitaire de feu. Leo Burnett avait exactement ce qu'il leur fallait. La compagnie a démarré, a lancé le slogan « Lego my Eggo ». Donc laisse-moi mes Eggo. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Laisse-moi mes Eggo. Pense pas non. Je pense pas que c'était aussi l'exemple. Tu peux pas le traduire, OK? Tu comprends? Attends un peu, là. Je suis sûr qu'il y avait une version en français de ça. Là, je vais trouver ça. Je suis pas certaine. Ben là, pas le choix. Non? Mais ça me semble que c'était Lego My Ego. Sûrement pas. Attends un peu. Pub Québec en 1988. On va s'essayer avec celle-là. OK. Juste pour le falloir. Des gaufres Ego. C'est dimanche? Non. Non. Non. C'est congé? Non. C'est ma fête? Non, c'est un jour comme les autres. Mais t'aimes les gaufres Ego, puis moi je t'adore. Les gaufres Ego, le goût du dimanche à tous les jours. Bonne journée. Ben, c'est pas ce qu'on cherche, mais ça me fait rigoler. Ah bon? Le goût du dimanche. Les goûts c'est du dimanche. Ah, oh, franchement. C'est oh my god! Hey, moi, je veux savoir c'est qui la personne qui joue dans cette pub-là! Ah, c'est magnifique! Cherchez Ego Publicité sur YouTube. Bref, Lego My Ego, ça a été lancé en 1972 et ça a performé si bien que ça que ça a permis à Ego de garder ce slogan-là pendant 36 ans de suite. Wow! Kellogg a finalement retiré Lego My Ego en 2008, mais rien ne peut empêcher un slogan de survivre. Ben non. Ils l'ont ramené en 2014. Aha! Quelle idée changée! Formule gagnante! Ben, c'est ça, hein? Le goût du dimanche. Uh-huh. Non, non, il y avait sûrement un autre slogan. Si quelqu'un se rappelle de ce slogan-là, notre page Facebook Assemblage requis, c'est là pour ça. Les fans de Ego ont eu la difficulté à vivre entre 2009 et 2010. Ah oui? Pas le fun. En 2009, Kellogg... OK. Ouais, ouais. Kellogg a eu une crise des gaufres. Hein? En septembre, l'usine d'Atlanta de Kellogg, ils ont 4 usines en tout, donc qui font des Ego. Et ça, ben, il y en a une à Atlanta. Il y a eu une infection de listeria. On a dû rappeler 4500 caisses de gaufres. Oh my god. Ouais. Et alors que l'usine allait rouvrir, il y a eu de la pluie et des inondations dans le coin. Donc ça a encore remis la production à plus tard. Tout ça en plus de fermeture temporaire d'une usine à Rossville au Tennessee pour réparation d'équipement. Ça a vraiment été désastreux. Kellogg a dû avertir les clients d'un manque d'ego qui allait persister jusqu'à la mi-2010. Là, on était en 2009 à ce moment-là. Donc heureusement pour les fans de gaufres, Kellogg a réussi à régler tout ça en 2010 et les congélateurs se sont remplis de nouveau de gaufres Ego. Bien sûr, c'est pas comme si c'était la seule compagnie qui fabrique des gaufres. Hein? Les marques maison sont quand même assez populaires, moins chères, moins bonnes. Hein? Et vraiment moins bonnes. Finalement, Dorsa n'a jamais réussi à perfectionner les crêpes. Si vous avez déjà acheté des gaufres Ego, vous savez que c'est pas si pire, mais c'est vraiment pas la même chose. Hein? Mm-hmm. Lorsque le parent des Ego, Frank Dorsa, est décédé en 1996, son avis de décès mentionnait qu'il n'avait jamais abandonné les expériences et les inventions. Il a créé une friteuse qui empêchait le bacon de se torsader. Quand même. Hein? Hey. Et moi, plusieurs autres choses aussi. Le fils de Dorsa a révélé qu'un but qui était constamment devant lui, mais qu'il n'a jamais réussi à élucider, c'était une recette pour les crêpes congelées. Donc, on peut imaginer que les crêpes Ego maintenant pourraient au moins le satisfaire un petit peu, parce que c'est quand même mieux que rien. Ouais, ouais, ouais. C'est mieux que rien. Vraiment. Mais, dans le dernier recours. Voilà pour des faits sur les bagels et les gaufres. Oh, on aime ça, ça donne faim. J'ai bien aimé ça, moi, ce petit bout-là. On prend une pause. On revient plus tard avec la première chronique de Tania Is Gonna Entertain Ya. Après, ceci. Aujourd'hui. C'est fou, 89. L'assemblage Reiki pour toi, aujourd'hui. De retour dans l'émission matinale, l'assemblage Reiki avec Mathieu Blanc. Et Tania Baudin a passé la pause debout parce que sa chaise est froide pour ses fesses. Oui, il fait tellement froid en studio présentement, c'est un petit peu incroyable. On a des chaises qui sont exactement le contraire de rembourrées. C'est ça aussi. C'est débourré, je sais pas. Il fait vraiment froid. Et pour ceux que ça intéresse, bien, il reste une demi-heure seulement aux 24 heures d'études, sachez-le. Oh! Ouais. Profitez-en. Profitez-en. Oui, et hier, si vous étiez là, il y avait du bruit de construction tout le long de la journée. Ça devait être vraiment plaisant. Sûrement. Et puis prendre une pause pendant 24 heures d'études. Oui, ben oui. Hein? Bref, toujours à Assemblage Reiki, tu l'as dit, on a parlé de gaufres et de bagels tout à l'heure, et je pense qu'on peut considérer ça un petit peu comme nos dépendances ou nos drogues. Mm-hmm. Donc on écoute The Partner et Everybody Knows You're High sur C'est Fou. Your High par Partner à Assemblage Reiki. Maintenant, ma partenaire de radio, Tania, c'est à ton tour. D'accord. Tania is gonna entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain. Tan, tan, tan, tan. On n'est pas lundi. On n'est pas lundi, mais on est jeudi. On est jeudi, donc c'est le survol de l'actualité, si je comprends bien, c'est ça? Non. Non, pas là, bon, d'accord. Non, du tout. Tu me fais mentir. Ouais, je suis désolée. Non, en fait, aujourd'hui, je vous parle de la grippe d'homme, messieurs, parce que oui, selon une étude, la grippe d'homme existe bel et bien. C'est quelque chose qu'on savait pas trop pendant très longtemps si c'était un mythe ou si c'était une réalité. Mm-hmm. Et les symptômes de la grippe semblent beaucoup plus intenses chez l'homme que chez la femme. Ben oui. C'est un examen de littérature littérature scientifique qui démontre en fait que la grippe d'homme n'a rien d'imaginaire. Donc, c'est un article qui a été publié dans le prestigieux British Medical Journal, encore une fois, par un médecin canadien qui a décidé d'éplucher les études qui avaient été réalisées sur l'impact du sexe sur la grippe. Donc, encore une fois, une méta-étude, une étude des études. Exactement. Mais cette fois-ci, on s'est basé sur le sexe et non pas sur le rhume en tant que tel. Sur le sexe ou dans le genre. C'est ça, exactement. On s'est posé la question, quel impact est-ce que la grippe a sur une femme versus chez un homme? Il y a certaines des études qui datent du 17e siècle, donc on en avait vraiment beaucoup à observer, mais le docteur Kyle Sue a réussi à dénicher des études qui ont été réalisées aussi bien auprès d'humains que de souris. Et ça démontre en fait que les symptômes de la grippe sont beaucoup plus souvent aigus chez l'homme que chez la femme. Donc une étude sur la grippe saisonnière qui a été réalisée par exemple à Hong Kong en 2004 et 2010 a témoigné d'un taux d'hospitalisation beaucoup plus élevé pour la grippe chez vous, messieurs, que chez nous, mesdames. Donc, c'est une étude observationnelle. On a simplement observé les cas qui avaient été déjà faits. On a simplement observé aussi les études qui avaient déjà été menées. Et pendant 10 ans, aux États-Unis, on s'est concentré là-dessus jusqu'en 2007. Parce qu'en 2007, en fait, on a réussi à constater que les hommes sont beaucoup plus susceptibles de mourir de la grippe que les femmes. Et là, pour clarifier encore une fois, on parle pas du rhume, on parle de la grippe. On parle de la grippe. Tu restes couché, tu peux pas travailler, tu peux pas bouger. Exactement. Donc, le virus de l'influenza. C'est ça, c'est exactement ça. Et on, en fait, pour arriver à cette conclusion-là, on a tenu compte des facteurs qu'on prend en considération lorsqu'on étudie la maladie cardiaque, le cancer, les problèmes respiratoires chroniques et les maladies rénales. Donc, en observant les mêmes facteurs chez ces maladies-là versus la grippe d'homme, eh bien, on en est venu au même résultat. Mais si vous avez beaucoup plus de chances de mourir de la grippe d'homme que nous, les femmes. Donc, les hommes composent la moitié de la population mondiale. On le sait, c'est pas nouveau. Mais le fait de conclure qu'ils exagèrent, en fait, l'intensité de leurs symptômes, sans nécessairement avoir de preuves scientifiques rigoureuses, pourrait avoir des implications assez importantes pour les hommes, y compris des soins qui sont insuffisants. Donc, en temps normal, entre guillemets, oui, la grippe d'homme existe, mais ça serait parce que vous avez une tendance à exagérer vos symptômes, messieurs. Donc, l'étude aussi s'est penchée sur une hypothèse par rapport à la testostérone. On s'est posé la question, c'est à savoir si ça limiterait pas, en fait, l'efficacité du système immunitaire et si ça intensifierait pas, du même fait, les symptômes de la grippe. C'est sûr que si on s'est penché sur la question de la testostérone, on s'est aussi penché sur la question de la femme. Donc, le docteur Sue admet en fait que l'analyse souffre de certains problèmes. On a des petites lacunes dans certaines de ces analyses-là par rapport à vous, messieurs, et votre grippe. Donc, on ne tient pas en compte l'impact sur la grippe comme les facteurs comme le tabagisme. On ne dit pas non plus si les hommes sont plus ou moins susceptibles que les femmes de prendre des mesures préventives face à la grippe. Vous auriez plus tendance à attraper la grippe parce que vous ne prévoyez pas que vous pourriez attraper la grippe. Et les hommes, eh bien, apparemment que l'exagération des symptômes, ça ne serait pas une cause pour dire que c'est beaucoup plus fréquent chez l'homme. Donc, il peut y avoir une réponse immunitaire, en fait, qui est plus faible au virus respiratoire chez l'homme que chez la femme, et ça provoque une morbidité et une mortalité qui est plus élevée que chez les femmes. Donc, le système immunitaire de la femme serait, en temps normal, plus fort à la base que celui d'un homme pour ce qui est virus, pour ce qui est grippe. Et c'est ce qui ferait en sorte que vous, quand on décrit une grippe d'homme, c'est ce qui fait en sorte que votre grippe est beaucoup plus maladive, entre parenthèses, si on vous écoute parler. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver un petit peu à lutter contre un rhume d'homme? Est-ce qu'on peut arriver, en fait, à lutter contre un rhume d'homme? Bien, tout d'abord, messieurs, il faudrait identifier l'ennemi, OK? Il faudrait commencer par comprendre le rhume d'homme. Donc, le rhume d'homme, c'est pas un mythe urbain, on vient de le dire. La science offre quelques réponses assez précises au sujet, mais il y a une étude qui clarifie la situation. Donc, on démontre qu'au sein d'un groupe d'hommes et de femmes, bien, les hommes, vous avez tendance à avoir des symptômes qui vont être plus élevés chez la grippe, justement parce que peut-être que votre système immunitaire sur les virus serait un petit peu plus un petit peu moins bon. Donc les hommes ont comme je le disais, bien ça semble beaucoup plus grave lorsqu'on vous écoute. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est plus grave. C'est juste que votre système immunitaire, à la base, il est moins fort. Donc, personne ne sait vraiment pourquoi est-ce que ça survient, mais ça existe et il existe plusieurs théories sur la grippe d'homme. Donc, peut-être qu'en étant malade, l'homme n'a pas nécessairement besoin de jouer au dur pendant ce temps-là. Vous êtes faible à ce moment-là, OK? Vous êtes vulnérable. Donc, on peut peut-être dire que l'homme sent pas nécessairement le besoin d'adhérer à la lettre à sa routine quotidienne de mollitude, OK? Et par la suite, eh bien, comme on peut le faire chez les femmes, bien, les femmes, on a juste tendance à se dire, bon, ben, je vais prendre des médicaments contre le rhume, puis ça va passer. Mais messieurs, vous avez une tendance à devoir croire sur un temps normal que vous avez une mollitude à avoir. Donc, lorsque oui. vous êtes malade, cette mollitude-là disparaît. Ça fait en sorte que vous êtes déjà à la base un petit peu plus faible, mm-hmm. selon vos yeux, vos propres yeux, OK? Donc, peu importe la raison, même si les hommes, vous êtes plus robustes physiquement, vous allez demeurer au lit lorsque vous avez le rhume. Il faut apprendre à faire le plein, OK? Et quand je dis faire le plein, ça veut dire avoir suffisamment de fournitures médicales pour lutter contre le redoutable rhume d'homme. Donc, on parle ici de médicaments contre le rhume, on parle de papier mouchoir, on parle de lotion désinfectante pour les mains, de vaporisateur désinfectant pour justement empêcher de le rhume de se propager. Il faut aussi avoir de la gelée de pétrole pour le nez irrité. On parle aussi de thermomètre afin de prendre la température, d'humidificateur d'air et de soupe au poulet. Donc, oh, maman ben avait là. Raison, hein, c'est très utile. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, une femme va déjà, la plupart du temps, avoir appliqué beaucoup de choses ouais. lorsque vous vous rendez au stade d'homme. De grippe d'homme, bien la femme va déjà avoir fait certaines préventions. Mm-hmm. Donc, c'est ce qui pourrait, à un certain point, dire que vous vous rendez plus loin dans votre grippe. En se laissant aller. C'est que vous laissez aller, vous vous dites que c'est pas très, très grave, vous allez vous moucher, ça va passer. Mais non, il faut apprendre à prendre des médicaments contre le rhume, messieurs. Ça fait pas de vous quelqu'un de non viril. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il faut que vous gardiez hydraté, OK? Ouais. C'est comme pour n'importe quelle grippe, s'il vous plaît, donc... Est-ce que la soupe, ça compte pour de l'eau? Vu que de l'eau dedans, c'est fait avec de l'eau. Oui. Est-ce que tu peux faire bouillir de la soupe au poulet pour avoir de la vapeur comme de l'humidité? Comme un bouillon de pour poulet? Pour tout combiner ensemble, ça. Tu veux dire un bouillon de poulet? Ouais, tu fais bouillir au bouillon de poulet, ça ouais. fait de l'humidité, fait que là, t'as l'humidification dans ton nez, t'as ça à boire. Ouais, ben c'est ça, exactement. Tu peux te mettre au-dessus puis juste attendre un c'est petit ça. Peu, ça va couler dedans. C'est merveilleux. En fait, on vous encourage à boire beaucoup de liquide, comme de l'eau chaude avec du citron. On parle aussi de thé décaféiné. On parle surtout de décaféiné ici parce qu'on se rappelle que la caféine, ça assèche, mm-hmm. ça va déshydrater. Du jus d'orange aussi, c'est très, très bon, vu les vitamines C. Et Mathieu, on parlait de bouillon, là, donc les bouillons clairs, les bouillons de poulet, mm-hmm. c'est quelque chose qui vont vous aider à vous hydrater. Si vous avez mal à la gorge, eh bien, prenez, messieurs, de la glace. Faites juste sucer de la glace. Okay. Ça va vous hydrater en même temps. Ah, ben oui. Vous n'allez pas avoir à vous déshydrater à ce moment-là. Sinon, bien, c'est sûr, messieurs, vous devez vous reposer, OK? Lorsque vous avez une grippe d'homme, une bonne nuit de sommeil, c'est essentiel pour guérir le rhume. Oui. Donc, il faut utiliser un humidificateur d'air et vous allez prendre des médicaments contre le rhume pour la nuit. Ça va aider à soulager les symptômes du rhume et ça va vous permettre de dormir une nuit de sommeil réparateur. C'est ça qui va être important, messieurs, lorsque vous avez le rhume, c'est une bonne nuit de sommeil réparateur. Pas dormir sur le divan en plein milieu de l'après-midi. Pas venir animer à 7 heures le matin. Non et plus. Maintenant. Donc, sachez aussi quand appeler du renfort. Et là, quand on parle d'appeler du renfort, c'est parce qu'on dit qu'un homme, ça se plaint pas pour rien, OK? Je vais ici mettre une... On généralise c'est tellement. Ça, exactement. Je vais mettre ici une parenthèse. Ça dépend de l'homme c'est en ça. Question. Merci. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous avez le rhume, bien, il faut vous encourager à consulter le médecin, messieurs. Mm-hmm. C'est ça qu'on veut dire par appeler du renfort. Oui. On vous parle pas d'appeler votre mère à 3 heures de l'après-midi pour vous dire dire amenez-moi une soupe, OK? On parle de vous dire que si le rhume perdure de 7 à 10 jours, mettez vos culottes puis appelez votre médecin. C'est ça qui est un petit peu difficile du côté de l'homme. Mais si vous avez de la difficulté à respirer aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Si vous avez des bruits un petit peu étranges lorsque vous respirez, c'est que peut-être que votre grippe est en train de dégénérer un petit peu puis ça s'en va plus vers une pneumonie ou une bronchite. Laryngite ou autre chose. Laryngite, exactement. Donc, les hommes qui souffrent de problèmes sous-jacents aussi aux poumons, vous devez prendre en considération que votre grippe d'homme peut être un petit peu plus difficile vu que vous avez déjà certaines difficultés aux poumons. Et là, on parle d'asthme, d'emphysème aussi. Donc, vous devez consulter un médecin beaucoup plus rapidement qu'un homme qui n'aura pas de difficultés respiratoires. Vous pouvez également prendre soin de vous-même, messieurs, OK? C'est quelque chose qu'il faut que vous gardiez en tête. Votre femme n'est pas obligée de vous amener de la soupe aux 3 secondes, mais n'oubliez pas que vous êtes le seul aussi qui a besoin de soins, hein, à ce moment-là. Donc, lavez-vous souvent les mains pour atténuer justement le risque de tomber malade encore plus. Gardez-vous du temps pour vous-même, essayez de bien vous reposer, mais ça prend du temps, une grippe. Ça prend considérablement 7 à 10 jours. Et par la suite, si vous avez plus de symptômes si vous réalisez que vous avez que ça fait quand même un bon bout là, vous avez le rhume puis vous filez pas mieux, c'est à ce moment-là qu'on vous invite à aller consulter, s'il vous plaît. Sinon, qu'est-ce qu'on fait un coup que tout ça s'est passé? Après la grippe d'homme, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est important de procéder à un nettoyage en règle. Mmh, ouais. OK, parce que ça reste des virus, ça reste contagieux. Donc lorsque vous êtes malade, monsieur ou vous, mesdames, lorsque votre homme est malade, eh bien, vous allez le confiner dans une pièce à maladie, OK? Comme un chat avec sa litière puis sa bouffe. Hein? C'est quasiment comme le mettre en quarantaine, OK? On comprend. Donc, lorsque vous allez être guéri, eh bien, il faut procéder, en fait, à un nettoyage en règle de la maison. Donc, on va prendre soin de laver les serviettes dans l'eau chaude. On va désinfecter les objets les plus propices à la prolifération des germes du rhume, donc la télécommande du téléviseur. Parce que Dieu sait que... C'est un gars, hein? Il fallait regarder la TV. Non, mais hein? Dieu sait que... Qu'est-ce que tu fais quand t'as le rhume? Tu regardes la télé. Tu regardes la télévision. Donc, automatiquement, passer à la télécommande après avoir eu le rhume. L'ordinateur portable. Souvent, dans un couple, on va pouvoir se prêter l'ordinateur portable. Pensez-y. Tablette, exactement. Les interrupteurs de lumière. Oui. C'est pas quelque chose à laquelle on pense souvent, mais c'est souvent la première chose qu'on va toucher tout le temps. Donc, les interrupteurs de lumière, les téléphones, robinets de salle de bain, les leviers de chasse d'eau, donc la toilette, là, la petite chasse, s'il vous plaît, pensez-y aussi. Et, bien évidemment, les poignées de porte. Les poignées de porte. Que ce soit juste avec un petit peu de Purel. Là. Déjà, ouais. Messieurs, si vous utilisez du Purel pendant que vous avez le rhume, il y a de bonnes chances que vous atteigniez la prolifération, justement, de ces fameux germes-là. Mais pensez-y. Et vu que vous allez beaucoup mieux maintenant, ben pourquoi pas faire le ménage vous-même? Hey, c'est vraiment un bel article que tu as trouvé là. Je sais, hein? Donc, messieurs, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir. Il y a des chances que vous avez plus de chances de mourir de la grippe d'homme. Mais si vous utilisez tous les petits trucs que je viens de vous donner, vous n'allez pas mourir de la grippe d'homme. Restez fort, OK, lorsque vous avez le rhume. Et aussi, pensez à prévenir ce rhume-là, surtout. Mm-hmm. Faites attention à vous. Mettez des gants. Mangez mettez bien. Un foulard. Hey, c'est rien, mettre une tuque, OK? Mm-hmm. C'est comme, pensez-y, messieurs. Comme ça, vous allez peut-être passer cet hiver sans avoir de grippe d'homme. Peut-être. Peut-être. Ça reste à voir. Ça reste à voir. Fin décembre, je n'ai souvent eu. Exactement. On J'ai hâte voir. De voir, Mathieu. Merci. Je pense qu'on n'aime pas pendant les fêtes. Une chance. Merci beaucoup, Tania. Fait plaisir. Et donc, on est tantôt. Oh, ben oui, certainement. Avant ça, on va transitionner de façon abrupte, mais quand même utile et agréable, hein, mm-hmm. à notre petit bloc des palmarès. C'est fou. C'est le moment donc d'aller rendre visite au palmarès C'est fou. À chaque fois qu'on se rencontre, on passe une petite chronique musicale ayant un lien avec les pièces des palmarès C'est fou. Aujourd'hui, on va savoir si les numéros 1 de la semaine passée sont toujours au sommet. Mm-hmm. Mm-hmm. On se rappelle que la semaine passée, au sommet, c'était Gasoline et Busty and the Bass. Mm-hmm. Et là, c'est le dernier. Là, on a commencé cette semaine le dernier palmarès oui. de l'année. Il sera jusqu'au 14 janvier, donc 11 décembre au 14 janvier 2018. Hein. Et je vous dis pas les numéros 1 à l'avance. Non. Comme toujours, on garde les mystères. Donc voici le bloc des numéros 1. Des palmarès, c'est fou. Ha-ha! arrive à l'heure, il m'offrira son dernier regard, son dernier élan, son grand déploiement. J'ai rendez-vous avec le soleil. Thank you. rap, c'était les numéros 1 pour la semaine du 11 décembre 2017, période en fait jusqu'au 14 janvier 2018, un bon mois de palmarès, mais vous savez, les palmarès c'est fou, c'est des faux semaines, des faux deux semaines, des faux trois semaines, des faux mois, des faux deux mois, tu sais pas, C'est ça. Donc le numéro 1 francophone, c'était Mara Tremblay avec la pièce Avec le soleil sur l'album Cassiopée, et puis en anglophone, on vient d'entendre Julie and the Wrong Guys, une pièce avec une fin et une fin alternative. Oui, comme oui, deux c'est... fins. Hein? Love and Leaving sur l'album Julie and the Wrong Guys. Voilà pour les numéros 1 de cette fin d'année. C'est pas merveilleux, ça? C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et ça nous amène au prochain bloc. Ben oui, dans quelques instants. Qui va être avec nous? Denis Bourdin. Ouh! De Très Blues Assez Fou. Pour entendre du blues. Ben certainement. Génial. On adore ça. Du big band, là, puis du blues après, ça fait ma journée. Ça va être merveilleux. À tout de suite. Vous êtes assez fou. 89.1 Assemblage anti-potrois aujourd'hui. En ce jeudi 14 décembre 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans quelques minutes, Denis Baudin. Oui. Lien de parenté clair. Écoute, on le cherche présentement. Le lien de parenté, j'irais son père. C'est ça. Environ. Qui s'en vient pour nous parler de blues. Oui. Nous faire un petit compte-rendu, un avant-goût, je dirais, de ce qui va se passer à Très Blues Assez Fou ce soir. Exactement. Plus il va arriver tard, plus il rapetisse sa chronique. Fait oui, que c'est ça. À sa perte. Il y a ça, mais en même temps, notre prochaine chronique, c'est à 8h30. Ben oui, c'est ça. Mais là, si on lui dit ça, il va juste arriver plus tard. Hein. Ouais. La prochaine, c'est à 8h30. C'est ça. Il faudrait que t'arrives, là. À tantôt, à 8h30, ce sera Catherine Langlois et sa chronique de voyage autour du monde. Hein? Ça va être fun, ça. Oui. On sait pas dans quel pays elle va nous amener pour terminer ça. On verra tout à l'heure. Mais avant ça, justement, ça nous permet de rêver éveillé. Un petit rêve éveillé. En anglais, on appelle ça un daydream. Donc voici Milk and Bone et la pièce Daydream. Ah, son âge requis. You're my daydream.

The Deep Dark Woods avec Fallen Leaves, un petit bloc de deux pièces qu'on vient d'entendre à Assemblage Requis en ce jeudi matin du 14 décembre. Il nous reste vraiment pas beaucoup de temps, peut-être mais une semaine avant la fin de la saison. Je ici, sais. À Assemblage Requis. Mais on s'est dit, donc on va se faire un petit cadeau à nous et aux auditeurs en même temps. Certainement. Hein, en invitant Denis Baudin de Très Blues à C'est fou. Le bouton play, là, t'sais, j'adore ça. Le bouton play, supplie, là, t'sais, mais... Ça devrait fonctionner, mais... on n'est pas sûr. Fait que Denis Baudin! Hey, c'est Denis Baudin! Hey, bon matin! Bon, Caroline, ça va super bien. On aime ça du direct de même. On va avec une version live devant public. Hey, il y a du trafic le matin? Oui, ben oui, ben oui. Ah! Oh boy! On t'a trouvé une version live? Ouais, je pense. Ah oui, t'as trouvé une version live. Ça marche pas tant, on va la laisser rouler. Donc, Denis, oui, t'as eu des problèmes de voiture, c'est ça? Non, des problèmes de trafic. De route, de trafic. De trafic et de cohue au café que je vous apporte. Ah, t'es trop fin. Ah, t'es trop fin, merci. T'es tellement généreux. Denis, tu animes tous les jeudis soirs, Très Blues, assez fou. Oui, avec une équipe de fous. Oui, avec une équipe de fous. Ben, parle-nous de ton équipe, tiens, si tu veux. Ben, on est plusieurs. Entre autres, je vais bien dire à la réalisation, la mise en onde de l'ami Patrick Boucher, qui a découvert le monde de la radio dans la dernière année. Patrick a accepté ce défi-là de réaliser, mettre en onde l'émission. C'était très drôle, la première journée devant la console. J'imagine, c'était particulier, qui fait un beau travail. Nise Bourgeois, qui est une nouvelle recrue dans Très Blues assez fou, qui est une nouvelle recrue en radio. Nise est une fille de Trois-Rivières qui fait de la musique, qui chante, et qui découvre le blues avec une belle ouverture vers cette musique-là. Est-ce qu'elle connaissait déjà ça un petit peu avant le blues? Du tout. Là, c'est non, elle, c'est pas une fille de blues. C'est une fille qui avait envie de faire de la radio avec une équipe de fous et puis que je connaissais de d'autres projets. Et Nise est venue travailler avec nous sur Très Blues assez fou, qui nous fait une chronique hebdomadaire sur les découvertes de disques. Je lui donne un disque à écouter. Et elle nous en fait ses commentaires. Et on a des tablettes. Hein. Tu vois les tablettes qui sont là à gauche? Ben oui, ben oui. Bon, ben on a des tablettes de blues, des tablettes moins blues et des tablettes... Ça avait l'air vrai. Même, j'étais comme, je regardais pas vrai. Là. Moi aussi, je cherchais les tablettes en studio. C'est comme la caméra 3, c'est un running gag. Exactement. Pour les autres. Oui, c'est ça. C'est comme le micro magique. C'est ça. Ah, il est magique pour vrai, ce micro-là. Oui, c'est ça. Steven Hubert, mon ami de toujours, mon complice dans plusieurs projets. Tania, tu le sais. Mm-hmm. Steven et moi, on fait plusieurs projets au niveau sportif et au niveau culturel ensemble. Et... Ah, ça, c'est notre thème. Ouais, je sais, mais... Tu l'as retrouvé. J'essaie, mais ça marche pas tant, mes affaires. Ouais. Et Steven, qui est un historien de formation, et qui vient faire des histoires. Il nous raconte des histoires autour de groupes, de thèmes, d'années. Allons là. On va y faire référence à chaque fois qu'on change le beat. C'est ça, exactement. Mais non, là. Ah ouais, continue, là, il fait des histoires. Moi, je travaille pour toi. Et Steven qui vient nous faire l'histoire de grands bluesmen, de grands thèmes du blues. On a travaillé à un moment donné sur Robert Johnson. On a fait toute l'histoire de Robert Johnson. On sait que Robert Johnson est un icône du blues, un incontournable. Et Steven a fait aussi toute l'histoire du blues anglais, qui n'a pas terminé. Hein, l'histoire du blues anglais est très, très importante. Et à un moment donné, il y a d'autres projets à portée de la main. Et on a le gars qui joue de la guitare en arrière de nous, Paul Deslauriers. L'excellent Paul Deslauriers de renommée internationale. Exactement, qui vient à... le plus souvent possible, parce que Paul joue beaucoup. Ouais, c'est ça. Oui, il joue beaucoup. Le jeudi, c'est une soirée où les artistes jouent. Mais quand quelle mauvaise idée de mettre ton émission là, d'abord. Mais quelle bonne idée d'avoir Paul qui... il va être là ce soir, Paul, au téléphone. Souvent, okay, on l'a eu à l'extérieur. On l'a eu, il était très loin. Je me souviens d'une certaine émission, Paul était... il nous a pressé de faire sa chronique parce qu'on l'attendait sur scène. Il attendait pour aller jouer avec David Gogo. Tu sais, c'est juste ça. Ah, c'est excellent, ça. C'est excellent. Et puis, qui vient nous parler de certains thèmes, de certains artistes, et qui, lui, a fait vraiment, depuis le début, l'histoire du blues. On est parti des premières cigar box, les guitares désaccordées, et puis on monte tranquillement pour le blues moderne. Et ce soir, bon, on va vous faire une émission de Blues de Noël. Oh, c'est the Blues fun, de Noël! Blues de Noël pour pouvoir, après ça, réutiliser cette émission-là à maintes et maintes reprises pendant les fêtes. Exactement, merci. On vous utilise, merci. Ben oui, ben sachez-le, oui, merci. C'est de l'exploitation. Merci. Faites circuler la bonne nouvelle, faites circuler le thème. Particulièrement, Nise a travaillé fort pour préparer l'émission de ce soir. Sur plusieurs fichiers qu'elle m'a envoyés, qu'elle a écoutés, qu'elle a préparés. Donc, on va travailler sur une émission de blues de Noël ce soir. C'est 3 heures de blues de Noël, c'est beaucoup. C'est 3 heures de blues de Noël, c'est beaucoup. Et ce fut très difficile de ne pas tomber dans la redondance. Oui, dans le cliché. Ouais. Dans le cliché. Mm-hmm. Et on a quand même réussi à trouver des pièces originales. Et, Mariah Carey. Non, pas du blues, ça, pas du blues. Excuse-moi. Non, on parlait d'original. Et on a quand même trouvé plusieurs pièces que je vous en ai amené quelques-unes ce matin. On va l'écouter. C'est le fun. On va l'écouter tout à l'heure un petit peu de blues de Noël. On aime ça. Ouais, je faisais comme si j'étais surpris. Hein. Ben oui, c'est toi qui le parles. C'est ça la radio, c'est du fake all the time. Oui, mais Tania est tellement surprise de voir que je suis très heureux de parler de Noël. Ben oui. Est-ce que t'es un fan? Parce que Tania, parenthèse, c'est peut-être la 2e ou 3e centaine de fois que je dis en nom. Tania écoute la musique de Noël dans ses écouteurs à la place d'écouter ses fous sur le campus. C'est ça. Ma passion de Noël, je la retiens clairement pas de mon père. Non, ça vient pas de là. Ça vient pas de là. Moi, je suis plus le Grinch, je sais quoi. Ouais, c'est ça. Mais t'as pas amené sa mère, pour venir faire la musique de Noël. Ben non, elle travaille, la mère. C'est ça, ça aurait été du Sheryl Crow puis du Laurence Jalbert. Ben oui, ça, hey, du Dolly Parton. Ben oui, voilà. Tu penses que ça vient d'où, ce film-là? Smoky Mountain Christmas. C'est ça. C'est de là que ça vient. Qu'ils ont écouté la semaine dernière. J'ai entendu dire ça. Hey, c'est le fun, le site de Deezer nous permet de jouer 2 fois la même chanson. On aime ça. Contrairement à Spotify. C'est ça, exactement. C'est... Donc, tu disais que tu nous avais amené de la musique de Noël, t'en as amené pas mal. J'ai amené 7-8 pièces que j'ai mis rapidement sur une clé. OK, les USB, pièces... ça, une clé. Oui. 3.0, 2.0. Tu l'as mis sur la rallonge ou en avant, la prise USB? Tu l'as mis sur la rallonge. Ouais. On est très transparent ici. Ouais, c'est ça, exactement. On aime les ça, détails la qu'on n'a pas à savoir. Exactement, on la sait. La rallonge qui fonctionne pas tout le temps. Pas tout le temps, non. Vous en parlerez à Patrick. Ouais. Vous en parlerez à ceux qui changent nos équipements. Oui, aussi. Jamais. Et je vais te laisser jouer dans la sélection que j'ai apportée. Tu m'as dit que Barbara Diab and the Smoked Meat Band. Barbara Diab and Smoked Meat Band. La chanson moutarde, j'imagine. Les cornichons. ce qui est quand même plaisant à savoir, Barbara Diab, c'est une fille de Montréal qui vient. Qui n'est pas une Canadienne. Mm-hmm. Et qui, quand elle est arrivée au Canada, elle est venue apprendre son français à l'UQTR. Ah! Wow! Oui. Et c'est un addon. Moi, j'ai découvert un disque. Hey, hein, un vinyle. Un record. Un disque de Barbara Diab. J'ai pris contact avec Barbara Diab. Et Barbara vient à l'occasion jaser avec nous au téléphone. Et là, tu lui dis, j'imagine, mais... Que diable t'amène? Quel diable t'amène ici? Je sais pas. Ok, excusez, je l'ai trouvé drôle. Ah, merci. C'était la pire, mais... Ouais, je sais, oui, hein, j'ai remarqué. Oui, c'est elle en haut, Tania. Ouais, c'est okay. Barbara Diab? Ouais, j'ai Facebooké. Sur ton écran moniteur, ton moniteur est 16.9 ou 4.9? Exactement. J'ai 16.9. Sur Windows 7? Pareil. Exact. Donc, Barbara a quand même fait quelques albums. Chante beaucoup à Montréal. Et y a dans un de ses albums, il y a des pièces de Noël. Et je vous en ai retenu une ce matin en particulier. Bon. Qui, tu me rappelles le titre au complet qui est assez long, hein? Oui, bien sûr. Le titre est Santa's Got Something Special. Something Special for Me. Barbara Diab and the Smoked Meat Band. On écoute ça tout de suite dans Assemblage Requis. Merci. Glitter. under my Christmas tree. Merry Christmas, honey. Moi, je suis habitué, on me le dit quand mon microphone est ouvert. Ouais. Ouais, ben nous, on dit 30 secondes. Moi, c'est ça. Moi, je te fais signe. Donc, oui, toujours avec Denis Beaudin. Eh oui. De Très Blues Assez Fou. Et on écoute la petite musique de Noël, comme ça, bien tranquille, ensemble, autour du feu. La vie est belle. Eh oui, mais là, je suis réveillé. Là, c'est ouais, fait. Ouais, oui, là, c'est fait. OK, c'est bon. J'ai pris mes premières gorgées de café. Oh, nous autres aussi. Parce que moi, je me suis levé, je me suis habillé. J'ai été vous chercher du café. Ouais. Trop fin, trop fin. Merci, merci. Dans la ligne, dans la grande ligne, dans un restaurant bien connu. D'Arche Doré. D'Arche Doré. Ah, c'est pour ça qu'il est bon. Je pensais que c'était l'autre avec le... L'autre. Mais non. Avec le joueur... Le joueur d'hockey, c'est ça. Le joueur d'hockey ou... Tu savais, Tania, que... Ben oui, je sais, c'est un joueur de hockey, là, franchement. Oui. En veux-tu vraiment parler de l'histoire de Tim Hortons? Ça pourrait être drôle. Donc, tu nous as fait jouer du Barbara d'hier, mais t'as dit tantôt, t'as faux filé, et là, j'étais un petit peu... J'ai embarqué après toi, mais on n'a pas eu le temps de parler trop de Barbara, qui vient au téléphone aussi, elle fait des bouts ouais, au téléphone. Elle fait des entrevues à l'occasion avec nous, on jase avec Barbara, on parle de musique, on parle de blues, on parle de parfois, que malheureusement, des décès. Ouais. C'est quelqu'un avec qui nous parle de ces artistes-là. Mm-hmm. Qui sont décédés. Bon, on a plein de collaborateurs aussi qui viennent à l'occasion, ouais. collaborateurs occasionnels. On a déjà collaboré, nous, Mathieu! C'est vrai, on est déjà allé. Oui, Mathieu et Tania ont déjà collaboré. On s'en souvient pas, mais on a collaboré! On avait bu pas mal, mais on était là! Et oui, moi, je m'en souviens. Ah ouais. On a un autre Beaudin qui vient à l'occasion, Stéphane Beaudin, qui est un musicien de Québec très connu dans la province, qui vient à l'occasion nous présenter des découvertes blues particulières. C'est toujours... on est toujours un peu sur les ondes quand Stéphane vient parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'il va nous faire jouer? Ah, qu'est-ce qu'il nous a découvert? Et c'est toujours particulier. La dernière fois, il nous est arrivé avec du gospel. Okay. Trois tunes de gospel blues qui ont surpris tout le monde qui avait en studio. Et ce soir, on a la visite biannuelle d'un autre ami, Dominique Fugère, qui dans un autre domaine est mon patron. Okay. Ouais, exactement. Quelques mois par année au Grand Prix Trois-Rivières. On sait que Dominique Fugère est un grand érudit, est aussi presque un foodie. Un foodie. Amateur de nourriture. De bouffe, De bouffe et de bonnes boissons. Ouais. Et il va venir nous faire le parallèle entre le blues... Et trois sortes de rhum ce soir. Arrête donc, c'est vraiment le fun, ça. Ben oui. Est-ce que vous allez déguster les rhums ou il fait juste vous en parler? Est-ce qu'on doit le dire? Non, on ne dit pas. Mais on s'est vu hier, puis il m'a demandé si c'est moi qui apportais les verres. Ah, OK. Mais ça va se consommer à l'extérieur, puis ils vont revenir à l'intérieur en discuter. Sachez-le. C'est ça. Cher agent de sécurité. On les salue. Il va nous parler de trois sortes de rhum, parce que Dominique a une collection de rhum. Collectionne entre autres les bouteilles de rhum et les bouteilles d'épices. Oh! D'épices. Comme les épices. Les sauces épicées. Ah oui. Les sauces piquantes. Ouais. C'est original. Ouais. Il y a un mur de. Chez lui, un mur de sauces épicées. Cool. C'est intéressant. Il va pouvoir nous dire comment prononcer Worcestershire. Worcestershire. C'est ça. Worcestershire. Ouais. Et puis, ce soir, il va nous parler de trois rhums. Il va faire le parallèle avec trois pièces de blues, dont une pièce de blues de Noël d'Elvis. Oh! Ben, Colin, ça donne donc bien drôle, tout ça. Mais je vous ai pas amené, c'est pas celle-là. Ah, ah, ça aurait fait un beau lien. Ça aurait été malade. Parce mais non, il garde la surprise. Je garde la surprise. Faut écouter Très Blues Assez Fou ce soir. Exactement, de 19 à 22 heures, en rediffusion le dimanche de midi à 15 heures. Et pendant les fêtes, tous les jours. Tous les jours, 24 heures sur 24. OK, ah, c'est ça, la trappe. Faut qu'elle soit bonne, votre émission, ce soir. Faut que soyez sa grosse coche, les boys. D'après moi, mon téléphone dans ma page de manteau doit vibrer. On a un petit peu de pression. Écoutons du Presley pour s'enlever de la pression, parce que c'est tellement le fun d'entendre c'est du bon. Presley, du Elvis Presley. Donc, c'est la chanson que tu nous présentes qui se nomme Merry Christmas, Baby. Tout de suite. Diamond ring for Christmas. good music on my radio. Hell, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Well, I want to kiss you, baby, while you're standing near the mistletoe. Got good music on my radio. Dig it, James, dig it, man. Well, I'm feeling mighty fine. Feeling mighty fine. Got good music on my radio. Wake up, bud. Underneath your mistletoe. Excuse-moi, t'as changé de place. Mais oui! Écrire mon matin, ça va bien, ça va bien. Oui. Denis, oui. Baudin, on vient d'entendre du Elvis Presley. On vient d'entendre du Elvis Presley, puis c'est dans les pièces de Noël, c'est comme ma pièce. Mm-hmm. Ça, je me suis fait plaisir ce matin en faisant écouter Gretchen Wilson et Elvis Presley, Christmas, Christmas Baby. Mm-hmm. Et je tiens juste à souligner la ligne de piano qu'il y a à l'intérieur mm-hmm. de cette pièce-là. Moi, je suis un amateur de piano. Ah oui? J'aime beaucoup le piano. T'en allais dire, j'en joue beaucoup, hein? Non, non, j'ai même dit... J'allais dire... J'allais réfuter! J'ai même tenté de jouer du piano. OK, c'est ça. Et à l'époque, Tania vivait à la maison. Oui. Et elle a fait partie de ceux qui ont dit « T'es certain que tu veux jouer du piano? » T'es-tu sûr que tu veux faire ça à cet âge-là? Ah, pour vrai, mais est-ce que t'as essayé longtemps? J'ai essayé deux ans, j'ai suivi des cours c'était intensifs. Pas si pire, mais à 50 ans, j'ai décidé que j'apprenais le piano. Ouais. Mais à 50 ans, j'ai découvert que j'avais pas l'oreille musicale. T'as pas l'oreille musicale en général, donc t'apprends pas jamais. C'est surtout que j'ai des gros problèmes avec mes mains. Là, okay. J'ai des doigts qui plient plus, fait que c'est difficile de C'est difficile de te jouer du pied. Jouer avec les pieds? Oui, tout à fait. Ben, là, je jouais plus comme un pied. Il jouait plus avec sa langue, mettons. Alors, on écoute à ce soir à Tréblouse Assez Fou. Ce soir, 19h à 22h, Tréblouse Assez Fou, avec mes collaborateurs Nice Bourgeois, Steven Hubert sera là. On rappelle que Dominique Fugère sera là comme invité ce soir. Paul Delaurier au téléphone qui va nous présenter ses choix blues de Noël. Mission réalisée et mise en onde par Patrick Boucher. C'est fou, je le dis, 19h. Et oui, et en rediffusion le dimanche de midi à 15h. Et on le 24 ou le 25 décembre, quelque chose comme ça. Et en boucle ensuite. En boucle, sur repeat. Hey, merci de m'avoir merci reçu. Hey, merci d'être venu avec ça nous. Ça m'a fait lever tôt, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Parce qu'une des autres découvertes de la retraite, c'est me lever tôt. Ben ouais, hein. Mais je connais plus ça, j'ai non. Moi, je te lève très tôt. Ouais. Et depuis la retraite, je me lève très tard. Très tard. On ça te fait... souhaite une bonne suite de retraite et félicitations merci pour la montre. Oui, merci. Ouais, félicitations. Qui a eu comme cadeau de loyauté. Une autre sur la tablette des montres. Voilà. J'en ai quelques bon, jours. J'achèterai pas ça pour Noël, une chose de faite. Ouais, ça va être tu peux la retourner, Tania. Tu peux c'est retourner bon, celle que tu avais achetée. Parfait. Hey, merci, mais bravo, votre beau travail. C'est merci bien plaisant de vous écouter. On apprend toutes sortes de choses et puis on les assemble ensuite. T'es bien gentil. Merci. Merci beaucoup. À bientôt, Denis Baudin. Je serai là jeudi prochain pour le potluck. 21 ah, décembre. Oui. Et potluck j'apporterai, je le dis-tu? Non. On garde ça sur le secret. Tu dis rien. Mais tu peux dire, tu vas apporter un dessert au potluck. Je vais apporter quelque chose dessus. OK. Ouais. Le potluck d'une grosse pointe en dresse. 21 décembre, 7h à 10h, jeudi prochain. Soyez-y. On est rendu à la pause et on se dépêche à y aller parce oui que notre amie Catherine qui nous attend pour faire sa chronique voyage. Salut Catherine. Salut. Qu'est-ce qui s'en vient tantôt? Ah, plein de voyages. Mais plein encore voyages une fois, je vais garder ça secret. Encore une destination à découvrir. Un indice, ensemble. Un indice. On aime ça, on aime ça. Faites froid, faites chaud? Il fait chaud. Il fait chaud. Chaud. Des fois humide, des fois sec. Oh boy. Une salle de bain. L'appartement de Mathieu. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes toujours dans l'émission matinale Assemblage requis, accompagné de Mathieu Blanc. Et de Tania Baudin. Ok, oui, en studio avec nous. Il y a toujours beaucoup de monde, par exemple. Toujours, oui. Denis Baudin est toujours avec nous, mais va probablement s'en aller éventuellement. Mais on ne sait pas. Tu peux parler. Par contre, je dois, oui. J'ai même ouvert le bon micro. Oui, merci. C'est gentil. Incroyable. Hein? C'est gentil. Il est sur le micro magique en passant. Hein, pour ceux qui se demandent où est le micro magique, des ouais fois, là, ben, là, il est utilisé. Il est ici, regardez, là, il est ici. T'es vraiment magique. Oui. Oh, boy, ça dépend. Le micro magique. faut mettre de l'écho aussi quand c'est micro magique. Donc, on a Catherine Langlois qui est avec nous pour sa superbe chronique de voyage. Alors, allons-y, embarquons en voiture et klaxonnons. Mip, mip. C'était beau, ça. Mip, mip. Merveilleux, hein? Ben oui. Ben oui. Let's tell the world all the things we've done. Falling in love in the setting sun. I've got a song and a smile so bright. I'll make you wish you were here tonight. Ah, tout le monde est content d'entendre cette intro-là. Ah, Catherine Langlois, oui, bonjour. Bonjour, ça rajoute de la joie dans la fin de session. Tellement, mais ça dans paraît. Hein. Mais oui. Ça paraît dans vos faces. Tout le monde est content. Donc, chronique voyage, et tu nous as dit que ça allait être chaud et humide. Ah, mon indice n'était pas bon, là. Non. J'y ai pensé, puis okay, j'aurais pu en donner un meilleur. Okay. Donc, je vais recommencer. OK, on recommence après la pause. Qu'est-ce qui s'en vient? Non, il y a un film sur ce pays. Oh, my God. Un film, que tout le monde connaît. Le Rwanda? Non. Non. Hôtel Rwanda, non. J'imagine. Ouais. Bagdad Café? Oh, c'est non cool, ça.

aujourd'hui pour toi, aujourd'hui. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage qui pour toi, aujourd'hui. Assemblage Rocky en ce jeudi 14 décembre 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, tout le monde nous a abandonnés depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Ben ouais. Denis Baudin et Catherine Langlois sont tous les deux partis à vaquer à d'autres occupations. Certains travailler, certains dormir, je crois. Mm-hmm. Mais ça veut dire qu'on va pouvoir goûter à quelque chose et on va en avoir plus pour nous. Exactement. On va faire une grosse pointe tendresse dans une demi-heure environ. Tania, un petit indice sur ce que tu nous as amené parce que c'est ton choix aujourd'hui dans une grosse pointe. Hey, mon Dieu. Ça s'appelle plus? Oui, non. J'avais jamais vu ça. OK. C'est ça mon indice. Okay. Quand même, t'es quasiment aussi bonne que les chroniqueurs pour les indices devant pas. Non, je sais pas vraiment comment donner d'indice à ça. C'était dans une section festive. Ah, OK, les produits saisonniers. Ouais. OK, ça c'est un bon indice. Ouais. J'approuve. OK. Mais avant ça, tu vas nous présenter ta chronique Tania is gonna entertain ya, deuxième du nom pour aujourd'hui. Exactement. Qu'est-ce qui s'en vient? Je vous parle de Noël, mais de menu de Noël. Contrairement à tout le monde qui va prendre du poids, là, tu parles de menu Noël. Comme menu. Mais avant ça, on écoute une pièce du palmarès francophone par Corridor et Allo Mode. Nouvelle pièce, c'est Deux cœurs, tout de suite. Bonjour, c'est fou. 89 FM. Deux-Cœurs de Corridor et Allo Mode. Assemblage requis, maintenant c'est Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna do it. On parle de Noël santé. Oui, on va parler de Noël santé un petit peu parce que vous vous rappelez peut-être, cette semaine, j'ai parlé d'activités à faire durant le temps des fêtes. Oui. Mais là, on est jeudi, donc automatiquement, une grosse pointe à l'adresse s'en vient. Mm-hmm. C'est dans pas très, très longtemps. Alors, je me suis dit, pourquoi pas discuter un petit peu de ces gens qui veulent être un petit peu plus santé durant le temps des fêtes parce que c'est quand même assez difficile à gérer. Juste du côté menu, si on n'est pas nécessairement chez soi. Comment est-ce qu'on deal avec le buffet? Si on est végétarienne, qu'est-ce qui arrive? C'est sûr que de pouvoir amener son propre plat, des fois, si on est végétarienne puis qu'on sait que le restant de la famille est carnivore à part entière, ouais. Eh bien, ça peut peut-être nous sauver quelques petits, je vais pas dire malaise, mais quelques petits moments dans la soirée où on va faire, ben non, c'est beau, tu sais, mm-hmm. merci, c'est gentil, mais je peux pas, tu sais, je suis végétarienne. C'est sûr que certains vont faire des compromis durant le temps des fêtes. On va tout simplement délaisser un petit peu le végétarisme pour pouvoir être avec la famille, ouais, sans nécessairement devoir faire trop d'efforts. Ouais, et de l'autre côté, il y a beaucoup de gens, on dirait que c'est comme plus conscientisé. Les gens vont demander est-ce qu'il y a des végétariens dans la salle avant de faire le party. Tout à fait. Mais sinon aussi, avant de commencer du côté menu santé, j'ai quelques idées pour vous parce que parfois, surtout si vous êtes parents d'enfants qui vont encore à l'école primaire, bien, durant le temps des fêtes, on se demande qu'est-ce qu'on va acheter à l'éducatrice ou à l'éducateur de notre enfant. Mm-hmm. Je ne sais pas si toi, tu faisais ça au primaire, mais ça arrivait à un certain moment. Je ne l'ai pas fait souvent. Je le faisais avec mes professeurs préférés. Mais on amenait un cadeau à nos professeurs pour le temps des fêtes. Une pomme de caramel. Exactement. Et sinon, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, mais parfois, durant le temps des fêtes, on va être invité à un souper de Noël ou on va être invité dans un party de Noël chez quelqu'un. Donc, il y a le titre d'hôtesse qui nous reçoit. Ouais. Et parfois, bien, cette hôtesse-là va recevoir un cadeau tout simplement comme signe de remerciement. Alors, c'est la moindre des choses de pouvoir amener un petit quelque chose. Et j'ai des idées pour vous, gourmandes, à faire soi-même dans ce type de situation. Donc, si vous êtes maman ou si vous êtes papa, que vous nous écoutez présentement et que vous savez là, que la semaine prochaine, c'est pas mal la date finale pour amener un petit quelque chose au professeur de votre enfant, ou encore vous avez un party bientôt où vous voulez amener quelque chose à l'hôtesse, eh bien, le premier cadeau comme idée que j'ai pour vous, c'est des petits pots. Quand je parle de petits pots, là, je parle de petits pots de confiture, petits pots de caramel, petits pots de beurre, petits pots de confit d'oignon, ce genre de choses-là, c'est toujours le fun à recevoir, qu'on soit professeur ou qu'on soit hôtesse. En fait, vous pouvez le faire même vous-même. C'est ça qui est un petit peu l'idée derrière tout ça. C'est sûr que si vous êtes en termes de temps pas très, très adéquat, là, vous avez de la difficulté avec votre horaire à pouvoir cuisiner quelque chose à la base, bien c'est sûr que si vous voulez prendre le temps de faire quelque chose comme cadeau, il faudrait peut-être s'y prendre d'avance ou du moins calculer le temps que ça va faire, que ça va prendre. Mais j'ai une recette pour vous et comme la recette donne 6 tasses de caramel, bien vous en avez quand même pour plusieurs cadeaux et vous pouvez bien évidemment en garder un pour vous. Il n'y a pas personne qui vous dit qu'il faut tout que vous les donniez. Donc les ingrédients, c'est très très simple. Ça prend 2 tasses de cassonade, 2 tasses de sirop de maïs, 1 demi-livre de beurre, 1 boîte de lait condensé et de la vanille. C'est sûr que là, on n'est pas encore dans le Noël santé de ce côté-là. On parle de caramel ici. Donc, la préparation, c'est très, très simple. On va faire bouillir les 3 ingrédients 2 minutes et vous allez retirer du feu. Par la suite, vous allez ajouter le lait condensé et la vanille. Vous allez tempérer le tout. Donc, vous allez ramener le... On a fait bouillir le caramel. Température. On va le ramener d'un tiède, okay. En fait. On veut pas que ça soit trop, trop froid. Et par la suite, vous allez empoter dans des petits pots de verre de toutes sortes. Et bien évidemment, vous pouvez décorer les pots à votre guise. Mm-hmm. Pour varier, vous pouvez ajouter un petit peu de la fleur de sel ou encore parfumer avec des épices comme de l'anis étoilé, de la cardamome ou de la cannelle. Donc, ça va faire un petit caramel spécial du temps des fêtes. Et c'est toujours plaisant de recevoir ça, surtout si c'est vous qui l'avez fait. Même des emballages déjà tout faits. Je dois vous avouer que c'est quand même assez plaisant à recevoir. Oui. C'est beau. Puis ça nous sauve la vie. Là. Il faut se le dire. Des fois, on ne sait pas du tout ce qu'on va acheter ou on a une bonne idée de ce qu'on veut acheter, mais on n'a pas le temps de le faire. On n'a pas le temps de le confectionner. Donc, ce genre d'idée-là, parfois, c'est une très bonne idée. Sinon, quelque chose de très, très facile à faire, très rapide aussi à faire, ce sont des tuiles de chocolat. C'est... Ah, comme du bark, les écorces. Exactement, okay. Comme du bark. C'est pas très compliqué. Ça vous prend des pépites de chocolat noir. Vous pouvez avoir une demi-tasse de noix hachée de votre choix, donc des amandes, des pistaches, des noisettes, peu importe. Une demi-tasse de fruits séchés coupés en petits morceaux. Ah, intéressant. Abricots, canneberges, bleuets, cerises, tout dépendant des goûts de la personne à qui vous voulez l'offrir. Et par la suite, ça vous prend une demi-tasse de noix de coco non sucrées, râpées ou en copeaux. Comment vous allez faire ça? Bien, c'est pas très compliqué. Encore une fois, vous allez faire fondre le chocolat dans un bain-marie. Donc, l'eau ne doit pas bouillir. Rappelez-vous de ça. Vous allez retirer du feu et vous allez ajouter la moitié des noix, la moitié des fruits séchés et la moitié de la noix de coco. Vous allez verser le mélange sur une plaque à biscuit qui va être recouverte de papier d'aluminium et vous allez former une couche d'une épaisseur d'un demi-pouce, donc 1 cm d'épais approximatif. On ne veut pas que ça soit trop mince parce que c'est sûr que là, à ce moment-là, ça va être beaucoup trop cassant. Puis on ne veut pas non plus que ça soit trop épais parce que ça ne sera pas plaisant à croquer. Donc on y va avec 1 cm, un bon centimètre d'épaisseur. Et par la suite, bien, vous allez parsemer du restant des ingrédients que vous aviez déjà incorporés à cette écorce-là au chocolat. Donc vous les amandes, les fruits, la noix de coco. Vous allez réfrigérer une heure, puis par la suite, qu'est-ce que vous faites? Vous brisez le morceau. Vous mangez. C'est merveilleux. Vous allez pouvoir emballer quelques morceaux dans du papier transparent. Encore une fois, c'est vous qui allez pouvoir faire l'emballage. Ça devient des petits cadeaux qui sont très vite faits, mais qui sont faits quand même avec amour. Et vous avez eu une pensée pour la personne qui va soit vous recevoir ou encore l'enseignant ou l'enseignante de votre enfant. Puis comment tu peux te plaindre avec du chocolat? Ben, c'est ça. Quelque chose à laquelle on pense rarement, mais qui sont extrêmement bonnes, surtout si vous savez que la personne aime bien les noix, bien vous pouvez très bien soit trouver ou les faire, encore une fois, des noix caramélisées. Miam. Tu sais, on parle pas de noix recouvertes de chocolat, on parle pas de noix recouvertes de chocolat de café. C'est ou peu importe. C'est lustré au miel un petit peu. C'est lustré au miel, vous pouvez le faire au curry, vous pouvez le faire à la cannelle. Ça va vraiment dépendre, en fait, des épices que vous voulez y intégrer. Mais c'est toujours le fun parce que la plupart du temps, on y pensera pas, mais... Tu sais, c'est quelque chose que, oui, on va peut-être mettre de côté une journée après Noël, mais à un certain moment, on a une petite fringale, on fait « Ah, je mangerai quelque chose de sucré, mais pas trop. » Là, vous les voyez, là. Là, tu penses à la personne. Tu penses à la personne. Donc, c'est tout le temps le fun de recevoir ce genre de petits trucs-là. Puis c'est pas très, très coûteux non plus. Si vous pouvez pas le faire par vous-même, souvent, ça va être aux alentours d'une 5-10 de dollars. Mmh. Ça peut être parfait aussi pour combler déjà un cadeau que vous avez fait. Vous vous étiez donné un budget, vous êtes un petit peu en dessous de ce budget-là. Là, vous vous dites, qu'est-ce que je pourrais ajouter à ça? C'est pas mal le genre d'idées cadeaux qui peuvent vous sortir des fois d'un... Ouais. D'un « Ah non, là, je sais plus quoi faire. Si j'achète ça, je vais buster le budget. Si je fais ça, qu'est-ce que je fais? » Donc, des fois, c'est juste une petite attention comme ça qui va faire la différence. Dans un bon Noël, sinon. Exactement. Oui. C'est une très bonne idée. Oui. Pour les végétariens de ce monde, on se dit que c'est quand même assez difficile, Noël, parce que la plupart du temps, surtout ici du côté du Québec, c'est rare qu'on voit des menus de Noël végétariens, oui. Parce que les traditions... La dinde, c'est pas végétarien. C'est ça. T'sais, les traditions sont pas mal plus centrées sur tout ce qui est viande, tout ce qui était passé au travers de l'hiver dans l'ancien temps. Un six-pâte avec zéro pâte. Zéro, c'est ça, exactement. C'est très facile, en fait, de se montrer vraiment très créatif avec des légumes. Pour les végétariens, bien, les œufs, c'est permis pour certains. Donc, ça fait de très jolies entrées des fêtes aussi. Et au plat de résistance, bien... Tu sais, des fois, c'est là qu'on fait qu'est-ce que je fais? C'est bien beau la quiche, mais là, hein? Exactement. Mais pour certains, peut-être que vous savez que vous avez dans votre famille des gens qui vont être végétariens. Vous pouvez avoir une petite attention pour ces gens-là et vous pouvez tout simplement multiplier la recette pour ceux qui vont vouloir déguster aussi. Parce que c'est pas nécessairement parce que vous avez juste deux personnes végétariennes dans votre souper qu'il n'y a pas personne d'autre autour de la table qui va la manger. Puis tu sais, s'il vous plaît, ne faites pas comme plein de gens dans des parties qui vont dire « T'es végétarien, puis je vais te servir genre le plus de viande possible, puis rire de toi. » Ouais. Ça, là, c'est comme... C'est pas très, très fin, sérieux. En fait. Ben, c'est non seulement pas fin, c'est genre vraiment méchant. Exactement. Parfois, on va avoir des petites entrées. Tu sais, à Noël, on a tout le temps plus l'effet buffet, ce genre de choses-là. Donc, on a souvent des petites bouchées qu'on peut faire de style végétarienne qui vont être très faciles à faire. Et la première que je vais vous présenter, en fait, c'est des croquettes de pommes de terre et de roquefort. Donc, ça a l'air vraiment très bon. Ça ressemble à une fondue parmesan, ouais, dans le fond. Et peut-être que vous allez un petit peu... en anglais, j'aurais dit trick. Mais vous allez... Tromper. L'œil des gens qui sont peut-être pas végétariens. Ils vont le prendre, ils vont le manger, puis ils vont trouver ça bon. Mais ça a l'air écœurement bon. Mais ça a l'air vraiment très, très bon. Donc, c'est une recette qui peut à la fois servir d'entrée ou encore d'apéro. Vous avez vraiment... c'est des petites boulettes avec un cœur coulant qu'on va retrouver souvent comme amuse-bouche dans les restaurants. Ouais. C'est excellent. Ça. Sauce marinara, quelque exactement, chose comme ça. Ça a l'air vraiment bon. Ouais. Ok, honnêtement, je vais pas vous mentir. Sinon, vous faites très bien faire un risotto, mais végétarien. Donc, vous allez avoir, par exemple, un risotto aux deux citrons, ou vous allez y aller avec un risotto aux légumes. C'est vraiment à votre guise. C'est vraiment aussi pour les gens qui ont il en mange pas de viande. Là. Ben là, on peut-tu juste pas faire de... C'est bon. Ça, exactement. Tout à l'heure, on parlait des œufs. Bien, on peut très bien faire des œufs brouillés à la truffe. Ah. La truffe, c'est une essence. Ça peut être une huile. C'est quelque chose qui est utilisé dans la grande cuisine bien souvent. Mais ça a un parfum incroyable et ça a un goût aussi incroyable. Donc, les œufs et les truffes, ça forme un mariage quasi parfait. Et ça fait aussi très, très festif. Donc, c'est une recette d'œufs brouillés à la truffe. C'est une belle idée d'entrée, encore une fois, pour les fêtes. Et on peut donner une saveur de truffe à nos œufs en les enfermant dans une boîte hermétique avec une truffe. Si on n'a pas, par exemple, de l'huile de truffe, ouais, on peut tout simplement aller à l'épicerie, trouver une truffe et se faire comme une pièce, en fait, là, où on va comme... smoker, comme ouais, on... un fumoir, si on veut. Un fumoir à œufs, là, un petit peu. Une prise en otage, exactement, c'est comme vous voulez. Exactement, ça va ressembler à ça un petit peu. Si on parle de tourtière, oui, tu sais, on le sait, dans le temps des fêtes, les tourtières, c'est pas mal le plat principal, souvent. C'est excellent. Le pâté à viande. Oui. Qu'est-ce qu'on fait du côté végétarien pour remplacer ce genre de choses-là? Bien, vous pouvez faire une tourte aux poireaux. Ah! Sachez-le. OK. Ça a l'air excellent, en passant. Ouais. Sinon, on peut y aller avec une quiche au poireau. Une quiche, pas avec du jambon, là, évidemment. Ceux qui mangent du poisson pourraient faire un pâté au saumon. Certainement, pâté au saumon. Il y a des alternatives à tout ça. Et rappelez-vous aussi qu'on peut y aller avec des légumes qui vont avoir l'air alléchant, c'est-à-dire multiplier la couleur de vos légumes. Donc, par exemple, dans les carottes, on n'est pas obligé d'aller chercher les petites carottes oranges qu'on connaît. On peut y aller avec des carottes multicolores. Il existe des carottes mauves, il existe des carottes jaunes. Donc, allez-y, diversifiez la couleur de vos légumes. Sinon, mettez bien du ketchup, ça va être rouge. Ben, c'est ça. Mais ça va aussi attirer l'œil des ouais, gens qui vont c'est faire le attirant tour du buffet. Donc, ça va être attiré. Parfois, on va peut-être se demander, « Ah, c'est quoi ça? C'est une carotte, là. C'est une carotte, c'est juste qu'elle est mauve. » Okay? C'est ça. Puis, pour certains, bien, au dessert, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on peut très bien faire une salade de fruits frais. Mm-hmm. On peut faire des choux à la crème. Ça va être végétarien malgré tout. Sinon, il y a une panoplie de choses, honnêtement, que des vous pouvez trouver patates, en ligne. Ben oui, ça. Il y a une panoplie de choses que vous pouvez trouver en ligne si vous voulez améliorer... Ben, pas nécessairement améliorer votre menu, mais si vous voulez diversifier votre menu parce que vous le savez, par exemple, qu'il y a quelqu'un de végétarien, ou vous savez que parfois, le lendemain de Noël, on se sent tellement ballonné, on aimerait ça se dire « Ah, oh, j'aurais aimé alléger un petit peu le buffet des fêtes. » Bien là, c'est le temps d'y penser. Là. Si vous faites vous-même la nourriture, pensez-y. Ça peut juste faire plaisir à du ben monde oui, autour de la table. Puis souvent, quand on va chez quelqu'un, ben on n'ose pas trop demander « Hey, t'as-tu comme une option moins grasse ou quelque chose comme ça? » Il y en a beaucoup qui vont se lancer dans le plateau de légumes automatiquement et qui vont faire une plus petite portion du reste. C'est parfait aussi, sachez-le. Faut simplement y aller avec ce que vous pensez. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense pas qu'il y ait quelqu'un, si vous êtes végétarien ou végétarienne et que vous êtes la seule personne dans votre famille, qui va être fâché que vous ameniez un plat et que vous le mettiez sur la table entouré des autres menus. Il y en a qui vont le faire, mais c'est des intolérants qui prônent la liberté, mais qui après ça empêchent les autres de vivre leur choix. Hein? Exactement. Donc, super, c'est mes petites idées pour avoir un menu de Noël qui peut être diversifié, mais en même temps, d'avoir des idées cadeaux gourmandes. Et voilà. Bien dit, très bonne chronique. Merci, Tania Bonin. Merci. Tania, je connais Tania tous les matins à Assemblage Rocky. Il nous en reste trois. Oui. Plus dépendant des gens qui viendront pas la semaine prochaine. On donc, sait pas encore. Six. C'est ça, exactement. Bon. Merci, Tania. Ça fait plaisir. On prend une pause au retour, une grosse pointe en reste. Ça, c'est fou. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. 89.1 FM. 89.1 FM. Rassemblage Wookie, on se jeudi matin, 14 décembre 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Ok, oui, le soleil sort. Oui, hey, il fait beau. C'est honnêtement, là, présentement, tu sais, nous, dans le studio, pour ceux qui sont pas sur la caméra 3, grande baie vitrée. On a de grandes baies vitrées. Et puis, on voit des arbres au loin, quand même, parce qu'il reste des arbres puis il reste des feuilles dedans. C'est vraiment beau avec la neige. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est carte postalien, comme on dit. Oui, vraiment. Oh, j'aurais pas pu mieux dire. Ouais. Ben, tu pourrais essayer. Mais ça échouerait. Hein? C'est ça. Ok, quelques minutes. Une grosse pointe en dresse. C'est toi qui nous as amené un produit. Tu nous as dit comme indice festif. Oui. Donc, pour être... En tout cas, je l'ai trouvé dans la section des festivités. Ok. Fait que c'est pas ta faute, c'est pas festif. C'est ça? C'est ça. Okay. Je sais pas si ça se mange à un autre temps de l'année. Oh, déjà, ça se mange et non boit. Oh! Indice numéro 2. Ouais. Donc, festif, pour moi, ça veut dire comme foufou. Hein? Ouais. Comme dans On va être wild. Ok. On va être wild cards de Cold Specs. À son âge. Can the woman play the mouth? I played so long, so long. From the hopes I let him roll, I waited too long.

Très noix de coco pour commencer. Consistant. Très solide. C'est comme un plus solide que brownie. Ouais. Mais c'est juste une date, là. C'est ça. C'est... de la purée de date. Exactement ce que je pensais comme goût. Ouais, moi aussi. Juste assez sucré, pas trop dérangeant. On dirait que la noix de coco vient un peu équilibrer le sucre de la date. C'est fantastique. Ça me fait penser un petit peu à des figs Newton. Mm-hmm. Je sais qu'il n'y a pas la pâte autour et il y a une purée à l'intérieur de date. Ça ressemble vraiment à un fig Newton et je suis un énorme fan de fig Newton. Donc c'est comme un équivalent encore plus, une petite twist noix de coco à une fig Newton. C'est excellent. J'adore ça, pour vrai. Si je vois ça en épicerie, j'en achète d'autres, c'est sûr. Ça doit être cher quand même. Non. Non? Pardon. Non. Est-ce qu'ils vendent en caisse? J'ai pas remarqué, mais l'emballage de 17 était à 4,95. C'est pas pire et c'est vraiment très, très satisfaisant. Natural Delight, pour vrai, un bon choix, là, comme j'en ai rarement vu. Je pense que ça monte tout de suite dans le top de ma liste depuis le début. Bon, tu vois, Tania fait pas souvent des produits dans ses grenades-là, mais quand elle en choisit des pas pires. Exactement. Puis avoue que là, t'en as mangé un complet. Je veux continuer, là. Ah ouais, tu veux continuer? Ah ouais. OK, moi, je me disais qu'au sucre que ça contient... Oui. J'en mangerais pas deux. J'en mangerais, moi, deux, mais... Deux. C'est ça. Dans une journée. Parce que là, le sucre, je le sens encore, là. La date est en train de couler dans ma salive. C'est du sucre naturel, sachez-le. Mais c'est du sucre pareil, là, tu sais, je veux dire, vous allez être réveillé, là, clairement. Oui. C'est vraiment le nom de Natural Delight, fit très bien avec ce produit-là. Voilà, c'était mon petit produit. Bravo, Tania. On rappelle que c'est par la compagnie Bard Valley. Natural Delights, roulé de date aux noix de coco. C'est disponible un petit peu partout, j'imagine. Je me le suis procuré chez IGA. Oui, IGA. Extra paquette. Là où on est extrêmement paquette. Exactement. Ils ont des petits coupons rabais dans zone campus en ce moment. Oui, tout à fait. 5$ par tranche de 50$. Donc, les lundis et mercredis. Écoute, je peux pas... Il commandit peut-être pas la chronique, mais il pourrait. clin d'œil. Écoute, il pourrait. Hein, Tania? OK, je vais faire quelques téléphones. Hein, Tania? Cette chronique-là mériterait un bon petit commanditaire. C'est vrai. Dit de même, là, à la radio. Hein? T'as bien raison. Félicitations pour ton choix. Et félicitations, Extra Pocket. Pour vrai, ils sont vraiment pas vraiment pas. Donc... toujours dans une grosse pointe d'adresse. Aujourd'hui, je t'ai réservé, Tania, un petit bloc de Spotted. OK. Dans le sens que c'est des produits en rafale sans article trop long à lire. Tu comprends? C'est un spécial Spotted. Oui. Donc, on commence avec un Spotted des Skittles édition Ugly Sweater. Des Skittles originaux, mais l'emballage ressemble à un vieux chandail laineux. Les bonbons ont l'air d'être pas mal exactement les normaux. Mais j'imagine que la couleur est un petit peu différente dessus. C'est vraiment une façon de faire du marketing pour les fêtes. Skittles, édition chandail des fêtes affreux. D'ailleurs, je connais une compagnie. Il y a des compagnies en ce moment, apparemment. Je sais pas si c'est le mois ou la semaine nationale du Ugly Sweater, mais il y a des bureaux qui, je crois que c'est ce vendredi, à l'échelle nationale et peut-être même internationale, vont laisser les gens porter des chandails affreux de Noël au bureau. C'est comme un genre de casual Friday. Oui. Est-ce qu'on embarque là-dedans? Non, pas certaine. Ensuite, d'autres trucs des fêtes en ce moment. Qu'est-ce qu'on a? On a évidemment des Butterfinger en forme de bonhomme de neige. Mm-hmm. Quand même pas si pire. On a des chocolats Dove, tu sais, le chocolat Dove. Oui. Mais gifts, donc des Dove gifts, c'est que les bonbons sont emballés dans des petits paquets comme des emballages cadeaux, des petits cadeaux. C'est super cute. Hein? Calendrier de l'Avent M&M. Bon, ça, c'est un petit peu plus classique. Oui. Lindt a sorti son chocolat blanc avec bonbons, tu sais, les bonbons rouges et blancs, là, style peppermint. Donc, ça fait un petit peu festif quand même. Des Turtles qui sont en neuf avec un petit pingouin dessus et c'est rempli de caramel et de pacanes. C'est pas mal ça pour celui-là. Il n'y a pas grand-chose de super intéressant. Pepsi aux États-Unis a sorti sa version Pepsi au caramel salé. OK. Ça m'intéresse. J'aimerais ça. J'en ai pas vu encore ici, mais peut-être, étant donné la mondialisation de Pepsi, d'après moi, on va peut-être en voir éventuellement. Donc, on a Pepsi au caramel salé pour un temps limité et on a aussi du Mountain Dew Holiday Brew. Qu'est-ce que c'est? C'est du Mountain Dew normal mélangé avec du Mountain Dew Code Red. Oh! La version rouge, donc ensemble, rouge et le vert normal ben oui, du Mountain Dew. Donc c'est supposé faire un mélange des fêtes spéciales. OK, mais je trouve ça pas mal moins original que le Pepsi au caramel salé qui m'intrigue vraiment. Ensuite, d'autres Spotted, qu'est-ce qu'on a? On a des Ritz. Est-ce que t'as vu ces Ritz-là? Je les ai vus en épicerie. Non, j'ai pas vu ça. C'est des Ritz en forme de flocons de neige, en fait. Ça ressemble plus à une étoile ou un astérisque. Ouais. Mais en tant que tel, c'est des Ritz avec des lignes à l'intérieur qui sont supposées ressembler à un flocon. Ça change absolument rien quand tu les manges. OK. J'imagine que tu peux les casser en deux ou en pointe. Je vais te prendre une pointe de Ritz, s'il te plaît. Je vais te prendre une pointe de Ritz. Pas sûr. On a des Rice Krispies avec couleur des fêtes. Édition Special Holiday Edition, donc des Rice Krispies. Et à l'intérieur, t'as des Rice Krispies rouges et vertes. Et tu peux faire des carrés Rice Krispies. Mais il y en avait dans le temps de ça. Oui, ben c'est ça. Moi, j'avais pas vu ça en magasin, mais apparemment que ça existe. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on a? Des Nutella avec le couvercle vert et rouge. C'est fantastique c'est et super original. On a. Je regarde rapidement parce qu'il y en a plein dans chaque article. Ça, j'aime bien ça. Chocolat au scotch whisky. On en a au bourbon whisky et au whisky et miel. Mon Dieu, je cherche. Ah oui, c'est le dernier en bas de la page. Moi, j'ai vu en fait chocolat truffe. Oh! Truffle de chocolat au champagne. Mmh. OK, bye! C'est ça, hein? Je suis partie en chercher! Des Lucky Charms cannelle et vanille. Ouh. Ça m'intrigue, ça, c'est des Lucky Charms, mais les guimauves sont remplacés par des genres de flocons de neige et des genres de petites boulettes et des bonhommes de neige. Donc, c'est Frosted Cinnamon Oat Cereals with Marshmallow. Donc, c'est un peu des Lucky Charms normales. Le goût goûte les Lucky Charms, mais avec un petit peu plus de cannelle. Dans une autre page de Spotted qu'on doit parcourir image par image pour trouver lesquelles je voulais noter là-dedans. Oui. Toujours bien compliqué. J'avais vu qu'est-ce qu'il y avait. Ah oui, des gâteaux dans une tasse, mais de marque Hershey. OK. Donc, ça vient avec une tasse avec le logo de Hershey ou le logo des Hershey's Kisses ou le logo des Reese's. Et à l'intérieur, t'as une petite boîte de carton. Mm-hmm. Et dedans, c'est un mélange à gâteaux qui va goûter le chocolat Hershey, les Kisses ou les Reese's. C'est merveilleux. C'est des Minute Mud Cake. Ça a l'air vraiment le fun, vraiment délicieux. On regarde le prix. Je pense, d'après moi, c'est mal étiqueté. Hey, boy. C'est une dizaine de dollars pour les tasses avec l'emballage. Je sais pas pourquoi c'est marqué à côté. 55 dollars, ça devait être un autre produit qui a été mal mis. Mais bon, j'espère, parce c'est 10 dollars. Mais t'as-tu vu, par exemple, si tu regardes là, l'étiquette en dessous de celui Hershey, Mug Cake, t'as 4,75$, puis en rabais 9,98$. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Je sais pas c'est dans quel magasin. En fait, c'est chez Walmart. Je comprends pas trop. C'est un peu étrange. Que voulez-vous? Qu'est-ce qu'il y avait sinon? C'est pas mal ça pour cette page-là, je pense. Hein? Oui. Ouais. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Il y a des Whoppers. Tu sais, les Whoppers, un petit peu. C'est genre. Comment dire? C'est comme du. Ça ressemble un petit peu à des. Voyons, c'est quoi le nom? C'est. On en parle souvent, les. La boîte est rouge. Des Busters quelque chose. Tu sais, il y a comme une genre, c'est comme croquant à l'intérieur. Oui, c'est des Maltesers. De Maltesers, ça ressemble à ça. Donc des Whoppers, mais en forme d'œuf de dinosaure. Ah! Pourquoi est-ce que j'oublie tout le temps le mot Maltesers? Je ne pourrais te dire. Je sais pas. Ritz vient de ramener, on avait déjà goûté à ça il y a quelques années de ça. C'est des Ritz couverts de fudge. Mm-hmm. C'est en édition limitée. Moi, je me rappelle les avoir goûtés. Je sais pas si c'était en onde, mais je sais que c'était délicieux. J'adorais ça. Des Ritz couverts de fudge, c'est le sucré salé. Hein. Si vous avez la chance de trouver ça, c'est vraiment très bon. On revient aux boissons gazeuses, on s'en va au Japon avec Coca-Cola Coffee Plus. On a souvent parlé de liqueur au café. Oui. Ou de café à la liqueur. Non, pas vraiment, c'est plus de la liqueur au café. Ouais, c'est ça. Ici, ça n'existe plus. Il y en avait eu vraiment très longtemps. Mais au Japon, ça existe encore et c'est Coca-Cola Coffee Plus. Ça n'a pas été banni ici? Je sais pas si ça a été banni. C'est une maudite bonne question, ça. Mais j'aimerais vraiment goûter à ça. Dans le passé, il y avait eu le Coke Black. C'était le produit qu'on avait en Amérique du Nord, si je me souviens bien. Dans le même genre, on a le Jolt Cola. Ça, c'est un cola rétro. Ça fait vraiment longtemps que ça n'existe plus. En tout cas, que j'en ai pas entendu parler. Aux États-Unis, on avait ça. C'était très populaire, le Jolt Cola. Ils ont ramené ça avec le look du passé. Donc, c'est vraiment le même design de la canette. Super années 90. Et le slogan « All the sugar and twice the caffeine ». Oh, que ça me tente. C'est exclusif chez Dollar General, un genre de magasin à 1$ aux États-Unis en ce moment. Peut-être avez-vous vu ça dans les épiceries. Il me semble que j'en ai vu au niveau local. C'est des Cheerios chocolat et beurre d'arachide. Dans la gamme de Cheerios avec beaucoup plus de sucre que ce que Cheerios nous vend dans ses publicités normalement. Mm-hmm. Donc c'est une nouvelle saveur, beurre d'arachide et chocolat, 8 grammes de sucre par portion. Ouais. Moi j'aime bien les. Présentement je mange des Cheerios pomme cannelle. Ok. J'aime bien le Cheerios au chocolat aussi, mais le chocolat et beurre d'arachide ça vient me chercher encore plus. Est-ce que ça te remplit? Pas vraiment non. Ok. Non. C'est ça, je sais pas certaine. Il faut un deuxième bol pour moi, d'habitude. Ouais, okay. Les Cheerios. C'est pas la chose la plus remplissante au monde. Continuons avec, en tout cas pour moi, pour quelqu'un de ma taille. Grand. nouvelle Frosted Flakes au chocolat qui viennent de sortir au mois de novembre. Ça a l'air vraiment bon, ça aussi. C'est sûr que c'est pour les enfants, mais ouais, clairement. Si j'en vois, j'en achète, c'est clair. Oh, Chocolate Frosted Flakes en magasin aux États-Unis au moins. C'est quoi du Fuego, Mathieu? Fuego, c'est du feu en espagnol. Ah, OK. Ouais. Justement, ben, les prochaines, c'est des Takis. On a déjà goûté à des Takis ici même. Et je me rappelle du IGA Marché des Rosiers, qui est dans la même gamme de IGA que nos amis du Super Extra Paquet de fou. Là. Oui. Ici même à Trois-Rivières. Donc, les Takis, ça, c'est la compagnie. Ils ont un nouveau produit. Ouais. Ça s'appelle les Pop. Les Pop. Pop Fuego. Pop Fuego. Il y en a aussi Pop Jalapeno Cheddar et du Pop Crunchy Caramel ou Caramel, dépendant. Donc, des mêmes gens qui font les Takis. C'est du popcorn. Ça a l'air d'être du popcorn, en tout cas. Qui a été éclaté à l'air. Ça dit Air Popped. Et j'imagine que ça a un peu la saveur que Takis fait. En fait, Takis, la compagnie Takis, c'est pas la compagnie. La compagnie, c'est Barcel. Leur produit, c'est Takis. Donc, c'est par les mêmes qui font les Takis, ces pop-là. Ça a l'air bon. Encore une fois, c'est vu aux États-Unis pour l'instant. Ensuite, on revient aux céréales des Life. Tu connais Life? Je pense que j'ai pas mangé des céréales Life depuis ma jeune dizaine, probablement. Ouais. Toi, est-ce que tu manges souvent des Life? Non. C'est vide pas mal de goût, hein? Oui. C'est un peu fade. Mais très, Life. Très. Ouais. ils sortent une édition limitée au pain d'épices. C'est tentant un petit peu plus quand même. Et les Life, c'est bon dans les mélanges là, où tu mets des petites pépites de chocolat, des morceaux de bretzel, des affaires à l'érable ou des trucs comme ça dans un bol. Puis là, tu mélanges ça, là, le genre de party mix avec du Life, c'est toujours bien. Ensuite, justement, parlant de bretzel, on a les Rolled Gold Pretzels Thin Crisps. C'est comme des croustilles, mais fait à partir de bretzel. Donc, tu vois qu'il y a des petits trous dedans, mais en tant que tel, c'est pas un bretzel. C'est une croustille. J'imagine que je sais pas comment ils font ça. Est-ce qu'ils viennent aplatir le bretzel? Est-ce que à la place de faire la forme du bretzel, ils font juste prendre ce que bretzel aurait, mais ils font en d'autres formes? Je sais pas. C'est des Thin Crisps. Il y en a. Au miel et Dijon, Elle Buffalo et ail et parmesan. C'est vraiment bon. Ensuite, toujours dans les spotted, Doritos Mix. Donc, c'est comme un party mix, mais de la marque Doritos. C'est nouveau. Blazin' Buffalo Explosion. On a à l'intérieur des Doritos triangle Blazin' Buffalo Ranch. Donc, déjà, on mélange le buffalo comme super épicé et le ranch plus calme. Tu as des petites torsades, tu sais, des espèces de rouleaux qu'on voit des fois dans les grignotines, à savoir le chipotle. On a les triangles qui sont l'équivalent chez Doritos des Ringolos, mais donc un genre de Ringolo en forme de triangle, à savoir de Cool Ranch. Et on a des... C'est quoi déjà cette nouille-là? La torsade, là, la nouille torsadée? Un fusilli? Fusilli, exactement. Donc on a ça, mais c'est des grignotines en chips, à savoir de fromage bleu. J'avais jamais vu ça de ma vie, et la texture doit être le fun, parce que manger... Fromage bleu? Ouais. Manger des fusillis, moi je trouve ça cool, j'aime la sensation de la torsade, je vais dire ça comme ça, tiens. On revient avec une autre page de Spotted que tu me dis ce qui t'intéresse là-dedans. Moi, je me rappelle déjà plus de ce que j'avais choisi là-dedans. C'était, attention, est-ce que c'était ça? Non, c'est ça? Non. c'était, oui, il y avait des Medley Lays. Lays sort des batchs limités. Ouais. Kettle Cook Medleys, donc c'est des mélanges de patates de trois variétés de différentes patates. OK. Donc des patates rouges, des patates oranges, des patates jaunes, et c'est à saveur de sel de mer, donc j'imagine que tu goûtes la variété de patates. Probablement. En plus du sel de mer, c'est particulier. C'est beaucoup de saveur. Vraiment. J'ai vu aussi les Jelly Bellies, donc les Jelly Beans dont on parle assez fréquemment, mais ici, évidemment, pour suivre la tendance des emojis, hein, on a Mixed Emotions Jelly Beans. Donc, chaque Jelly Bean, et là, je ne vois pas les Jelly Beans à l'intérieur s'ils ont une face de dessinée dessus, mais chaque couleur est supposée représenter une émotion. Comme l'amour, la colère, le bonheur, la tristesse et l'enjouéade. Bon. Mais sur des Jelly Beans. Ouais. Je sais pas si ça dépend de la couleur. J'aimerais aimer ça voir les faces dessus. Peut-être qu'il y a des faces d'imprimés sur les Jelly Beans. Je sais pas. Ensuite, Kit Kat au triple chocolat. Triple chocolat. Tu sais, Kit Kat, t'as déjà du chocolat à l'extérieur. Ouais, chocolat c'est ça. À c'est parce que j'essaye de comprendre là, comment ils peuvent réussir à faire ça. En fait, c'est qu'ils ont changé la gaufrette à l'intérieur pour une gaufrette au chocolat. OK. Hein? Et ensuite, du chocolat dans du chocolat au lait, enrobé de chocolat. Oh my God. Ça a l'air excellent. Oreo à saveur de Jelly Donut, donc beigne à la confiture à l'intérieur. Donc il y a l'anneau blanche de crème, et à l'intérieur t'as une petite portion de crème à la saveur de confiture. Ça pourrait être bon, ouais. Ouais, j'aime bien ça. T'as Pillsbury qui sort ses biscuits, tu sais, les biscuits qu'on fait au four. J'en ai fait il y a quelques semaines et j'ai trouvé ça fantastique. C'était super bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait. Mais ils en ont maintenant au caramel salé. édition limitée. Et pour terminer, c'est une autre superbe page de beaucoup trop de produits, lequel m'intéressait là-dedans. Oui, c'était les du Coffee Mate. J'ai déjà mentionné ma haine contre la saveur du Coffee Mate depuis quelques années. Oui. Ils ont une version Natural Bliss au caramel, non, à l'érable et au pacane. Ouh! Coffee Mate. Ouh! Ouais, caramel et pacane. Oh! Érable, pardon, et pacane, ça a l'air fantastique. Et puis, il me semble qu'il y en avait un dernier là-dedans. C'était, oui, des kits pour faire des boules de popcorn. Hein? C'est par la compagnie Maude Borup. OK. Ouais. C'est Popcorn Ball Kit, donc ça fait 12 boules, pareil comme tes boules naturelles de tantôt. Ouais. Mais à savoir de pommes caramel ou encore de popcorn. Ah, miam. Miam. Voilà, hey, c'était le dernier. On se l'est faufilé juste à temps pour terminer l'émission pour aujourd'hui. Les liens de la chronique et le gros point d'adresse dans les notes de l'émission numéro 1173. Merci à Catherine Langlois pour sa participation à l'émission d'aujourd'hui. Tout à fait. Merci à Denis Baudin d'être venu nous présenter un petit bout de leur émission spéciale Noël de ce soir. Ils sont sortis de petit bout. Ne manquez pas leur émission. Très bien, ça c'est fou ce soir, jeudi à 19h. C'est un rappel dimanche à midi. Oui. Nous serons là ensemble, toi et moi, plus tard aujourd'hui. Exactement. Pour une édition spéciale Assemblage requis. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On vous présente le récapitulatif de l'année 2017 en musique. C'est à partir de midi tout à l'heure, ce qui veut dire que le Mathieu Plante Show va être devancé et va commencer dans quelques instants, entre 10h et midi. Donc habituellement, c'est à 13h. Le Mathieu Plante Show, on rappelle, ouais, on s'amonte à 10h. Après ça, notre rétrospective musicale d'Assemblage requis à partir de midi. 19h ce soir, très blues assez fou. Et c'est comme ça que votre journée se passe. Il y a de la musique entre tout ça, comme toujours. Cif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balados-diffusions. On se retrouve demain 7h pour l'édition Weekend. Et bon café. Oui. Tout le monde. Et bonne petite boule. Bonne petite boule. Bonne petite boule. Bye là. Bye.